Bonsoir. On va peut-être commencer ce troisième Café Géo. Donc on en avait organisé deux auparavant, notamment un sur, au début de l'année sur les bobos et puis un autre sur... c'est le troisième. On en avait fait un sur la mixité sociale et la carte scolaire, sur les maires, une espèce en voie de disparition. Là, on en fait un donc sur la question des déchets. Donc, le principe des cafés Géo, vous le connaissez, c'est une introduction d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes par intervenant. Donc, ce soir, on a la chance d'en avoir trois. En général, on en a deux, mais là, du coup, on va pouvoir avoir un débat riche et varié. Les cafés Géo sont organisés par l'Université pour tous, qui est une association d'éducation populaire qui sévit depuis environ 3 ans dans l'agglomération tourangelle et qui organise des conférences et des ateliers de manière, en tout cas, l'accès est gratuit et qui s'adresse à un public le plus large possible avec une vraie volonté d'ouverture, d'accessibilité. Et puis l'autre association qui l'organise en partenariat, c'est Confluence, qui est l'association tourangelle des étudiants en géographie, qui, en l'occurrence, organise au sein de l'Université pour tous l'intégralité du cycle géographie. Donc, à côté de ces cafés, vous avez pu profiter, pour certains, au premier semestre, de conférences sur le thème de la ville durable. Donc, la thématique des déchets est aujourd'hui un véritable problème, car ils sont de plus en plus nombreux, et notamment pour les gérer, soit pour les enfouir, soit pour les incinérer, ou peut-être d'autres moyens. Il est de plus en plus difficile de trouver des lieux qui conviennent à tous. Est-ce qu'il faut les situer aux abords des agglomérations? Est-ce qu'il faut les situer en pleine campagne? En tout cas, il pose des problèmes à la fois peut-être en termes environnementaux, mais aussi des problèmes de conflits de voisinage. C'est vraiment un petit peu de ces deux aspects dont on va parler ce soir. Je remercie nos trois intervenants qui sont, tout à droite, Patrice Mellet qui est professeur de géographie à l'université François Rabelais, responsable de l'équipe construction politique et sociale des territoires de l'UMR CITRS. Il a publié entre autres avec Corinne Larue « Territoire d'action » en 2008. Avec Corinne Larue toujours et Muriel Rosenberg, Conflits et territoires, donc c'est un spécialiste de la question des conflits. Laurence Rocher, qui est donc auteur d'une thèse en aménagement sur la gestion territoriale des déchets ménagers, dirigée par la même Corinne Larue. Et puis juste à ma droite, Michel Durand, qui est président de la CEPANTE, qui est une fédération départementale des associations de protection de la nature et de l'environnement. Je les remercie eux, je les remercie vous d'être tous présents aussi nombreux ce soir. On va commencer. Encore une fois, introduction, et puis après, l'idée c'est vraiment qu'il y ait une discussion entre vous, une discussion avec les intervenants. Peut-être que les intervenants ne seront pas d'accord non plus entre eux. Si vous avez aussi des éléments à porter, des éléments à contredire, tant que la discussion est vivante, ça sera bien. Voilà. Je vous laisse commencer, peut-être. Merci. D'abord, j'aimerais dire pourquoi j'ai accepté de venir ce soir dans ce café. D'une part, parce que je m'intéressais à l'idée même de se réunir pour discuter un certain nombre de thèmes, et puis parce que je trouve que le titre est plutôt très bon, en fait. Mes déchets, mettez-les chez le voisin. Et j'aimerais dire pourquoi, en fait, je trouve que ce titre est très bon. Parce qu'à mon avis, il résume bien le paradoxe de la question des déchets aujourd'hui. Alors, je ne suis pas l'auteur du titre, bien sûr, ce sont donc les organisateurs. Et je trouve que ce titre est très bon parce qu'il résume bien le paradoxe et la difficulté de la question des déchets aujourd'hui. C'est-à-dire, d'une part, mes déchets avec point d'interrogation, c'est-à-dire la question de l'appropriation des déchets. Est-ce que les déchets que je produis, qui sont dans mes poubelles, sont à moi? C'est-à-dire, dans quelle mesure j'en suis responsable? Dans quelle mesure même, s'il y a des juristes ici, on pourrait nous dire dans quelle mesure j'en suis propriétaire? Et la question de la propriété des déchets n'est pas simplement une idée hypothétique, c'est quelque chose qui a un sens, y compris pour l'État français. Je vous renvoie à l'histoire du Clémenceau et de savoir si le Clémenceau est ou pas un déchet Et donc, ce que ça implique pour la qualification de ce qu'on peut en faire ou pas. Donc, mes déchets, point d'interrogation, juste dans ces détails, donc ce titre est très bon. Mes déchets, point d'interrogation, parce que justement, il s'agit de définir si ce sont bien mes déchets. Hein, et on verra que toute une question de... toute une partie du problème des déchets, c'est qu'on a un certain nombre de gens qui considèrent que ces déchets ne sont pas forcément à eux. Et mes déchets voisins, ça me semble aussi intéressant parce que c'est en gros ce qu'on a fait pendant très longtemps. C'est en gros ce que les villes ont fait pendant très longtemps, c'est-à-dire d'évacuer les déchets, de les mettre ailleurs, dans des endroits d'ailleurs qu'on pensait assez peu occupés, peu appropriés, à la campagne, de faire des trous pour faire des décharges dans lesquelles les villes plaçaient leurs déchets. Donc mes déchets le voisin, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps, mais c'est aussi ce qui est plus possible de faire aujourd'hui. Donc ce titre pose aussi le paradoxe. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus mettre les déchets chez le voisin. L'évolution de la conscience environnementale nous amène à considérer, et des législations d'ailleurs, nous amène à considérer qu'il n'y a pas d'autre façon de gérer la question des déchets que dans la proximité. Ceci dit, on verra que toute une partie du problème, y compris des conflits, repose sur la définition de ce qu'est cette proximité. C'est d'ailleurs aussi pour ça, entre parenthèses, que ça peut intéresser, que ces situations peuvent intéresser un géographe ou des géographes, pas simplement donc, sur l'aspect écologique ou environnemental de la problématique déchets, mais aussi sur l'aspect d'un débat dans la société sur la définition sur une définition opérationnelle de ce qu'est la proximité. Donc mettez-les chez le voisin. C'est aussi d'ailleurs un très bon titre parce que c'est souvent ce que l'on reproche à des habitants mobilisés, à des résidents qui s'opposent à des nuisances. On leur dit, oui mais attendez, vous ne voulez pas accepter vos déchets, vous voulez les mettre chez le voisin. Les responsables de la politique déchets, les aménageurs, souvent essayent d'une certaine façon de délégitimer les mouvements de résidents qui s'opposent à des nuisances en disant, vous ne voulez pas accepter les nuisances nécessaires pour la mise en place d'infrastructures qui sont là pour le bien public, hein, pour gérer les déchets que nous produisons collectivement ensemble. Donc là, la question n'est plus de savoir s'il s'agit de mes déchets, mais de savoir s'il s'agit de nos déchets, et de savoir comment on définit ce « nous » qui rendrait légitime donc, de mettre en place un certain nombre d'infrastructures dans la proximité de certains habitants qui disent « ce sont bien nos déchets que nous traitons là ». Alors mes déchets, mettez-les chez le voisin, c'est aussi d'une certaine façon ce que refusent de faire un certain nombre d'associations de résidents qui sont mobilisés contre des nuisances, mais qui disent nous ne nous mobilisons pas simplement pour éviter d'avoir des déchets dans notre proximité, nous ne voulons pas que ces déchets aillent chez le voisin. Et nous voulons justement essayer de poser la question plus globalement des modalités de gestion des déchets et pas simplement de localisation des infrastructures de traitement des déchets. Donc ce titre d'ailleurs me faisait penser à un autre titre d'une autre discussion auquel j'ai pu participer à Toulouse qui était intitulé « Ni ici ni ailleurs, mais où sont les terrains d'entente ?» puisque justement une partie de ces mobilisations cherche à déplacer la question des déchets simplement dans la proximité ou le refus d'une infrastructure pour dire qu'il faut changer les modalités mêmes de gestion des déchets. Donc l'incinérateur, ni ici ni ailleurs, ceci dit, les responsables de la politique déchets donc, posent la question de comment on fait en termes de gestion globale des déchets. Mais ni ici ni ailleurs, où sont les terrains d'entente, montre aussi, donc ce débat montrait aussi qu'aujourd'hui, la question de la localisation d'infrastructures était un vrai problème pour la politique environnementale, c'est-à-dire pas simplement pour la question d'ailleurs des incinérateurs en ce qui concerne les déchets, puisqu'il y a aussi des conflits autour des décharges, il y a aussi des conflits autour de l'extension des décharges. Il serait très difficile, à mon sens, aujourd'hui, de faire de nouvelles décharges que de faire localiser des incinérateurs, même si certains environnementalistes considèrent que en expliquant aux populations le bien fondé de la décharge, on pourrait construire plus facilement une acceptabilité de la décharge plutôt qu'une acceptabilité de l'incinérateur. Il se trouve quand même que dans un certain nombre de cas dans lesquels il y a des décharges qui fonctionnent et qui cherchent à s'étendre, les riverains se mobilisent très fortement contre les expansions de ces décharges. Donc la question n'est pas simplement l'incinérateur ou pas l'incinérateur, elle est aujourd'hui la construction de l'acceptabilité même d'une politique déchets à construire dans la périphérie, dans la proximité. Alors ces situations que l'on voit autour de la question des déchets, elles renvoient donc à des situations de conflit, de controverses, de débats, dans lesquels on a différents groupes qui cherchent à accéder à l'espace public pour essayer de devenir partie prenante du débat sur la question des déchets. C'est bien ce qu'on voit dans la presse lorsque des groupes se mobilisent pour refuser une localisation d'un incinérateur, pour proposer d'autres solutions. Et ces questions des conflits dans le domaine des déchets, mais pas simplement, sont des sujets qui nous intéressent. Donc nous sommes un certain nombre de géographes à s'intéresser, à dire qu'il faut prendre au sérieux ces mobilisations, pas simplement pour essayer de les résoudre, pas simplement pour essayer d'empêcher l'émergence des conflits, pas simplement d'ailleurs non plus, pas forcément non plus pour les accompagner, mais parce que ces situations peuvent révéler des choses qui me semblent importantes dans la façon dont les gens aujourd'hui posent leur relation à l'espace, posent leur relation à l'environnement et essayent de construire collectivement, donc dans différents types de collectifs, des associations, des collectifs divers qui cherchent à se saisir d'un certain nombre de dossiers et donc cherchent à construire collectivement une autre relation avec leur espace proche, avec leur espace résidentiel, et pas simplement déléguer la question de la gestion des déchets à des spécialistes, pas simplement déléguer la question à des spécialistes techniques ou à des politiques, mais devenir partie prenante du débat sur les déchets. Alors on est un certain nombre à Tours et ailleurs à essayer de travailler sur ces questions dans les domaines des déchets, mais pas simplement, puisque vous savez que les situations de conflits, de controverses se multiplient dans différents types de domaines liés à l'action publique, pour localiser des infrastructures, pour localiser des périphériques, pour faire passer un TGV. Aujourd'hui, les modalités même de la façon dont les aménageurs ont à penser l'aménagement doit prendre en compte les réactions d'un certain nombre de populations ou la prise en compte de différents collectifs. Alors pour ça, et j'essaierai de pas être trop long, simplement dire que pour faire ça, à mon avis, il faut prendre ses distances avec un acronyme qui est souvent présent lorsqu'on parle des populations mobilisées, c'est la notion de NIMBY, dont vous avez entendu parler, je pense, qu'on retrouve dans les journaux, ou qui est utilisée par les aménageurs ou par des politiques pour déqualifier des engagements de proximité. NIMBY, c'est donc un sigle anglo-saxon qui signifie « not in my backyard », je vous prie d'excuser mon anglais, mais c'est-à-dire « pas dans mon jardin, pas dans mon arrière-cour », qui essentiellement est utilisé, on parle d'ailleurs dans la presse, d'un syndrome NIMBY, comme si c'était quelque chose qui touchait les populations en venant du monde anglo-saxon, comme si les résidents étaient touchés d'un syndrome NIMBY, c'est-à-dire qu'ils refusent aujourd'hui des implantations qu'ils acceptaient avant. Il me semble que le problème avec cette catégorie du NIMBY, c'est que d'une part, c'est que non seulement elle déqualifie un certain nombre de mobilisations, mais qu'elle elle propose une explication tout en prétendant révéler quelque chose. Lorsqu'on dit que des habitants se mobilisent uniquement sous l'impact d'un syndrome NIMBY, on dit qu'ils se replient sur l'espace résidentiel, c'est-à-dire qu'on oppose en quelque sorte l'intérêt public à un égoïsme résidentiel qui ferait qu'un certain nombre de personnes refusent un incinérateur, refusent une décharge, parce qu'ils ne veulent pas prendre en compte des objectifs de politique publique qui sont celles des politiques environnementales, des politiques de transport, etc. Donc en même temps on déqualifie, en même temps qu'on pointe du doigt ce genre de mobilisation. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas dans les mobilisations des choses qui sont de l'ordre de la protection d'un cadre de vie, de la protection du cadre résidentiel, mais il s'agit de dire qu'on peut aussi porter sur ces mobilisations un autre regard, qui est celui, c'est ce qu'on essaye de faire donc dans l'équipe de recherche dont vous parliez tout à l'heure, un autre regard qui est d'essayer de voir ce que ces situations produisent. C'est-à-dire en quoi ces conflits, ces collectifs, ces associations qui se multiplient dans différents types de domaines et qui aujourd'hui maillent les situations urbaines, périurbaines ou même les situations rurales, en quoi le fait que se multiplient ces situations change la façon dont les résidents pensent l'évolution de leur espace proche, dont les résidents pensent les politiques publiques, pensent les politiques d'aménagement, et on pourrait faire un certain nombre d'hypothèses. Alors ce que j'aimerais aujourd'hui peut-être soumettre au débat, pour finir, c'est l'idée d'un certain nombre d'hypothèses sur les effets de ces situations, et s'il y a dans la salle des gens qui ont participé à ce type de mobilisation, j'aimerais bien avoir leur opinion. Les effets en termes de participation de la population à la décision publique, hein, le fait qu'aujourd'hui la décision publique ne peut pas être simplement entre les mains des pouvoirs publics, le monopole de l'organisation du débat sur l'opportunité d'un certain nombre d'infrastructures ne peut plus simplement être dans les mains des pouvoirs publics. Ce que demandent donc différents types de collectifs, c'est d'être partie prenante sur la décision publique. Des effets peut-être aussi sur l'apprentissage des populations, c'est-à-dire dans ces associations, toute une série de personnes se saisissent du dossier, hein, qui ne sont pas des spécialistes, se saisissent du dossier des déchets, se saisissent du dossier de l'eau, se saisissent du dossier de la mobilité, des infrastructures, pour essayer de construire un débat avec les acteurs des pouvoirs publics ou avec d'autres types de spécialistes de la question. Et aussi peut-être des effets dans l'évolution, dans la façon dont les gens pensent leur espace proche, leur cadre de vie. Et c'est ce type de questions que j'aimerais bien poser à la fois aux gens qui sont autour de la table et à la salle. Donc, que produisent les conflits autour de la localisation des infrastructures au traitement des déchets? On peut faire l'hypothèse qu'ils ne produisent pas simplement, et ça serait l'hypothèse positive, qu'elles ne produisent pas simplement du blocage de l'action publique, mais qu'elles produisent peut-être un déplacement du débat sur cette question des déchets et de l'endroit où on doit les mettre. Et j'arrêterai là, et je passerai la parole à Laurence, peut-être. Ok, merci. Donc merci de m'avoir invité à parler ce soir. Donc effectivement, moi j'ai travaillé sur la question des déchets et précisément sur la question des conflits autour de la gestion des déchets dans le cadre de ma thèse. Et d'ailleurs, j'avais été amenée dans le cadre de cette thèse à suivre ce qui s'était passé en Touraine au moment du conflit contre l'incinérateur. Mais je ne vais pas parler de ça ce soir. J'ai commencé par faire quelques remarques générales sur la question des conflits par rapport à la gestion des déchets. Et puis ensuite, je ferai une présentation en fait, des dispositifs qui existent en matière de participation des habitants, des associations. C'est-à-dire de présenter en fait, les espaces où les gens peuvent s'exprimer et où on leur demande leur avis. Donc, si on regarde en arrière rapidement, en gros, on a commencé à avoir des équipements de traitement de déchets, enfin des équipements destinés à éliminer les déchets, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc ces équipements, ils sont progressivement sophistiqués, modernisés, et puis généralisés à l'ensemble du territoire en France, en gros dans les années 70, puisque c'est à partir de 75 que chaque commune est obligée par la loi d'avoir un service public de collecte et d'élimination des déchets. Alors, la question des conflits a commencé à devenir vraiment problématique et à se généraliser en gros dans les années 80, puisque c'est là où finalement la question des mobilisations contre les nouveaux équipements a pris une tournure assez problématique, puisqu'il devenait très difficile d'ouvrir, de créer des nouveaux équipements, et on parlait alors de la menace d'une pénurie des capacités d'élimination. Donc au moment du vote de la loi de 1992, qui est, pour dire vite, une loi très importante qui a vraiment encadré la gestion des déchets, donc au moment où on préparait cette loi, on pensait en fait que les inquiétudes et l'hostilité des populations, elles portaient essentiellement sur les décharges. Et à ce moment-là, on a souhaité en fait limiter la mise en décharge en prévoyant que à partir de 2002, c'est-à-dire 10 ans plus tard, pourraient n'être enfouis que les déchets ultimes. Donc ça renvoie à des questions un peu techniques que je ne vais pas développer ici. Mais en tout cas, ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'est le fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se tourner vers l'incinération, en pensant, enfin du moins c'est ce que pensait le législateur à l'époque, que finalement c'était les décharges qui posaient problème et que l'incinération ça irait. Ce qui n'était pas du tout le cas, puisque en fait donc les collectivités se sont équipées assez massivement dans les années 90 en France en incinérateur. Et c'est un procédé qui n'a pas du tout échappé à la contestation, puisqu'il est objet de controverses. Et que de nombreuses personnes, que ce soit au niveau national ou au niveau local, réclament des moratoires qui gèlent en fait l'utilisation de ce procédé. Alors, si on regarde en fait de part et d'autre les positions de chacun des acteurs qui se trouvent impliqués dans ces débats, pour les autorités, les acteurs en charge des systèmes de gestion des déchets, notamment les décideurs politiques, de leur point de vue, pour eux, pour parvenir à une gestion des déchets qui fonctionne, il s'agirait de restaurer en fait la confiance des populations. C'est un problème de confiance en fait envers le système. Et pour ça, il suffit, ou du moins il faut informer les gens. Ils attribuent, donc ces responsables et ces décideurs, ils attribuent la réaction d'opposition à des nouveaux projets au syndrome NIMBY, donc c'est ce qu'a expliqué Patrice, tandis que la création d'un équipement est compris comme en fait l'intérêt général. Ils ont de manière générale un discours qui renvoie au fait que les risques sont maîtrisés à partir du moment où les normes en vigueur sont respectées. Et ils renvoient les cas de défaillance et de laxisme par rapport à la réglementation à des événements du passé. C'est-à-dire des choses il y a une reconnaissance qu'effectivement il y a eu divers problèmes, mais du moment où on respecte les normes actuelles, il n'y a pas de risque du point de vue de la santé ou de l'environnement. Du côté, cette fois, des populations et des citoyens qui se mobilisent contre un équipement, ceux-ci, en général, assument une trajectoire de construction d'un intérêt pour la question qui émane souvent à l'origine d'une posture réactive par rapport à la crainte de subir des nuisances et de voir son espace de vie dévalorisé. Donc c'est effectivement ce qu'on rassemble sous le syndrome du NIMBY. Donc en fait, en général, c'est une position qui est assumée par les gens, par les habitants, qui explique qu'en effet, ils se sont intéressés par la question parce qu'ils étaient directement concernés, mais c'est à partir de du fait d'avoir été concernés personnellement qu'ils ont développé un intérêt pour la question et qu'ils peuvent ensuite se positionner sur des aspects plus techniques et sur des questions politiques par rapport à la prise de décision. Donc ces personnes ou ces associations se saisissent de ces dossiers parfois de manière assez experte et construisent une argumentation donc autour des questions sanitaires qui tient une place tout à fait importante, donc des risques pour la santé humaine, autour des questions environnementales, autour des questions de justice spatiale dans la mesure où l'implantation d'un équipement elle est vécue comme une dévalorisation et une stigmatisation de l'espace, du territoire. L'argumentation porte aussi sur des aspects financiers, notamment autour de la question du coût, de la rentabilité, des projets qui seraient mal évalués, des problèmes de relations qui peuvent se poser entre les collectivités et les exploitants privés, parce qu'en général, donc, ces équipements ils sont gérés dans le cadre de délégations de services publics, etc. Donc, en tout cas, ce qui ressort de ça, le constat qu'on peut faire assez facilement, c'est qu'il y a un très grand décalage entre, d'un point de vue, le souci d'informer pour restaurer la confiance qui aurait été perdue suite à divers scandales, et puis, de l'autre côté, un refus assez catégorique et souvent assez efficace dans les effets, du coup, de d'habitants et d'associations qui mobilisent tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour se faire entendre, depuis la manifestation jusqu'au recours contentieux, en passant par le fait de participer à différentes instances de consultation ou de participation. Donc, c'est en fait dans ce contexte de tensions qui sont tout à fait systématiques, hein, quand il est question de gestion des déchets, qu'ont été mis en place une série de procédures et de dispositifs qui prévoient une participation de ce qu'on peut appeler la société civile, donc qui est le plus souvent représentée par des associations. Alors, donc moi, je vais parler de dispositifs qui sont vraiment particuliers à la gestion des déchets, mais donc qui répondent à ce problème particulier qu'est les déchets, mais ils ne sont pas nés comme ça juste pour ce problème-là. C'est aussi parce que, d'une manière générale, les enjeux environnementaux font l'objet d'une ouverture au public, au public à qui on reconnaît le droit en fait d'être informé et de participer. Donc ça a été affirmé notamment au niveau international par des textes comme la Convention de Rio ou au niveau européen par la Convention d'Aarhus. Alors, donc je vais assez rapidement en fait dresser une liste de ces dispositifs qui sont autant de moments d'ouverture, alors qui est plus ou moins relative, hein, et donc qui concerne directement les déchets. Alors le premier niveau de concertation qui se joue dans une arène assez restreinte et qui concerne la planification, c'est-à-dire l'élaboration donc, au niveau départemental de plans qui organisent la gestion des déchets ménagers. Donc cette planification, elle est réalisée par une commission qui rassemble les acteurs qui sont plus ou moins concernés directement par la question. Donc, on trouve le service de l'État, les élus, les professionnels du traitement, les chambres consulaires, plusieurs acteurs parapublics comme l'ADEME ou des parcs naturels régionaux s'il y en a dans la région, etc. Et puis les associations de protection de l'environnement qui sont agréées. Et depuis récemment, c'est-à-dire depuis 2005, les associations qui représentent les consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc ces documents, donc ces plans départementaux, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du contenu de ces plans, mais pour le dire vite, ils sont censés à la fois inventorier les quantités et la nature des déchets qu'il y a à éliminer en fait sur le département, et de répartir en fait les différents types de déchets dans les équipements, et le cas échéant, enfin si ça s'avère nécessaire, de prévoir la création de nouveaux équipements. Donc ces plans, ils sont soumis à enquête publique. Donc là, c'est à nouveau une nouvelle phase en fait de concertation ou d'information. Ce qui se passe, c'est que parfois cette enquête publique concernant les plans, elle est saisie en fait comme moyen d'exprimer un mécontentement à l'égard des équipements qui sont prévus dans le plan. Donc c'est ce qui s'était passé à Tours au moment de la révision du plan en 2004. Puisque en fait dans ce plan, il était question du projet incinérateur. Alors, je vous parlais de droit à l'information et à la participation. Donc en matière de gestion des déchets, il y a finalement un droit à l'information qui a comme parallèle une obligation d'information de la part des autorités, qui a été introduit en 1988 à l'occasion d'une loi qui réglementait les transferts transfrontaliers de déchets. Donc ce droit, finalement, ce texte, il est assez important parce que c'est lui qui inscrit formellement le droit à être informé concernant précisément la question des déchets. Donc je lis la phrase qui concerne ce droit. Donc c'est « Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et de l'environnement, du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. » Donc ce texte, il a été voté en 1988, et l'application de ce droit à l'information, c'est la création de commissions locales d'information et de surveillance, qu'on appelle les CLIS, qui sont créées en fait autour des équipements de traitement de déchets. Donc ça mettra, en gros, ça va être réglementé ça à partir de 1993 et puis ça se mettra progressivement en place. Donc c'est la création de CLIS, elle est obligatoire pour toutes les installations de stockage ou pour toute autre installation, mais là c'est le préfet qui décide. La seule obligation, c'est vraiment pour le stockage. Donc, ce qui n'empêche pas le préfet d'en créer pour d'autres équipements, et en tout cas il est obligé de le faire quand il en a la demande d'élus locaux qui demandent la création de telles commissions. Alors il y a donc ces commissions, elles sont souvent elles ont effectivement l'avantage de réunir en fait les gens concernés par un équipement. Elles ont aussi plusieurs limites qui ont été soulevées notamment par les associations, notamment par France Nature Environnement, qui avait produit un rapport qui évaluait le fonctionnement de ces CLIS et qui demandait en fait, qui a demandé d'ailleurs à plusieurs reprises le fait que une CLIS puisse être créée à la demande d'associations et aussi qu'elle soit étendue à d'autres équipements, notamment aux incinérateurs. Donc cette demande en fait, elle est exprimée de manière récurrente, mais en tout cas le texte qui encadre la gestion, enfin le fonctionnement des CLIS, il n'a jamais été modifié dans ce sens. Donc oui, quelques mots pour dire en gros ce qui se passe dans ces commissions. Donc elles sont censées se réunir une fois par an, et les gens qui sont là, donc les représentants, enfin les gestionnaires du site en question, les élus locaux, les services de l'État, et puis donc les associations dites concernées par l'équipement, que ce soit des associations d'envergure départementale, soit des associations locales. Donc tous ces gens sont, qui se réunissent chaque année doivent examiner en fait un dossier qui est réalisé par l'exploitant du site et qui comprend diverses informations dont la provenance des déchets qui sont traités dans l'équipement et les résultats d'analyse de rejets dans le milieu. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus sur les CLIS, et je voulais évoquer un autre dispositif donc à caractère participatif, mais qui cette fois est au niveau de, enfin, à l'échelle de la ville ou de l'agglomération, c'est les commissions consultatives des services publics locaux, donc là aussi qui sont des dispositifs qui sont obligatoires donc pour les villes de plus de 10 000 habitants, et qui comprennent entre autres des représentants d'associations locales. Alors là, c'est pas directement sur les questions d'environnement, elles ne sont pas centrales dans ces commissions, qui portent en fait sur la gestion, notamment la gestion financière des services publics. Donc ces commissions des services publics locaux, elles concernent deux services publics, celui de l'eau et de l'assainissement et celui le service d'élimination des déchets. Donc, il s'agit à travers ces commissions d'assurer une certaine transparence par rapport au fonctionnement de ces services. Et donc, un peu à la même manière que les CLIS, elles doivent chaque année examiner plusieurs rapports et donner leur avis sur plusieurs rapports. Notamment, donc pour ce qui concerne la gestion des déchets, puisque c'est ce qui nous intéresse, sur les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public, qui doivent être chaque année réalisés par la commune en fait en charge du service. Voilà, donc bon, toutes ces commissions, elles fonctionnent plus ou moins bien, avec plus ou moins de suivi, plus ou moins de réunions. Parfois, elles existent en fait formellement, mais dans les faits, elles n'existent pas parce que, par exemple, il y a des cas de CLIS qui ne se réunissent pas ou des cas de commissions consultatives qui ne sont pas mis en place par les municipalités. Et puis, d'autres où il y a un fonctionnement plus régulier et où les habitants et les associations peuvent obtenir des améliorations en matière de transparence et de suivi environnemental. Bon, en tout cas, le constat qu'on peut en faire de manière assez évidente, c'est que la mise en place de toutes ces procédures, elle ne permet en aucun cas d'éviter ou de contenir les conflits. Voilà, donc, alors, moi j'ai présenté vraiment les mesures qui ont un caractère légal, en fait, un caractère obligatoire. Il faut savoir qu'en plus de ces dispositifs et de ces commissions, on voit ici ou là toute une série de démarches, comme des débats publics locaux ou des conférences de citoyens, qui sont mis en place tantôt par des collectivités ou par souvent qui font appel à des consultants ou par des associations, donc qui viennent en fait s'ajouter à ces commissions qui ont un caractère légal et qui font de plus en plus partie du paysage de la participation en matière de gestion des déchets. Voilà. Donc je suis de la CEPANTE. La CEPANTE est une très vieille association tourangelle, qui a plus de 40 ans d'existence, qui s'intéresse aux déchets depuis de très nombreuses années, voire décennies. Dominique Boutin, qui était l'ancien président ici, peut rappeler ces débats que l'on a mis au débat public à la fin des années 80. Moi, j'ai découvert les déchets en termes de gestion de questions environnementales dès 2003, au moment du débat sur l'incinérateur de 200 000 tonnes que voulait installer pour gérer les déchets de toute la Touraine. Et donc, dans notre réflexion qu'on a eue, on s'est dit plusieurs choses. On était contre l'incinérateur, on y reviendra tout à l'heure, pourquoi dans le détail, dans le débat, je ne vais pas l'évoquer là, dans cette première partie, pour introduire un peu notre réflexion. On s'est dit, il y a une crise écologique majeure sur le plan planétaire et local. Quel est le bon indicateur environnemental qu'on doit utiliser pour regarder cette question des déchets? Alors, on n'a pas tourné longuement autour de tous ces indicateurs qui existent. L'indicateur le plus intéressant, c'est celui que le WWF a lancé il y a quelques années autour de l'empreinte écologique. Et quand vous abordez cette question-là, alors je ne vais pas la raconter dans le détail, on pourra en parler un petit peu tout à l'heure si on le souhaite. L'idée centrale qu'on a dans le débat à ce moment-là, c'est que le déchet est un produit. C'est ça la question centrale. Et donc on ne va pas traiter les déchets de la même façon qu'on le traite d'une façon générale sur la planète, à savoir, comme on l'a évoqué ici, des dispositifs administratifs et techniques qui permettent de ce déchet de le voir, de l'éliminer. Donc, comment aborder globalement d'un point de vue environnemental, dans la mesure où on se dit l'empreinte écologique est supérieure à 1, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas assez de planètes aujourd'hui pour satisfaire nos besoins, pour simplifier. Quelles orientations faut-il décliner? Alors, je ne vais pas les développer, mais je vais les énoncer rapidement. La première orientation, elle est évidente, c'est la prévention, c'est la réduction des déchets à la source. C'est clair. Moins on fera des déchets à la source, moins on en aura à en gérer. Alors, c'est vrai que ça implique plein de choses, ça. Alors, je vais prendre dans mon propos un fil conducteur qui sont les bouteilles en plastique, les fameux PET. 6 milliards de bouteilles en France, par an. 300 000 tonnes de plastique. Or, le plastique, c'est que du pétrole, le plastique. Le pétrole en tant qu'énergie et le pétrole comme matière première. Si vous calculez le CO2 correspondant à ce pétrole qu'on a utilisé, c'est 500 000 tonnes de CO2. D'accord. Donc si vous buvez de l'eau du robinet plutôt que de l'eau minérale, effectivement, c'est clair que... C'est des petites bouteilles. C'est des petites bouteilles. Voilà. Non, c'est pour ça que je savais bien que ça allait amener un petit peu les débats. Donc la prévention, c'est compliqué, je n'y reviendrai pas dans le détail là maintenant. Il faut de la réglementation, il faut de la fiscalité, il faut des gestes du citoyen, il faut que les entreprises elles-mêmes mettent moins de grammes dans leur pot de yaourt, par exemple, pas de la matière, l'enveloppe. Donc faire de la prévention. Ça, tout le monde est d'accord. Il y a un consensus, là. Il n'y a pas de débat public sur de la prévention. D'accord. La deuxième orientation qu'on a amenée dans ce débat, c'est Dominique Boudin qui a été à l'initiative de cette question-là il y a un certain nombre d'années, c'est la gestion du carbone organique. Aujourd'hui, c'est central. Ça veut dire quoi, ça ? Quand on fait des déchets, on sait que dans les déchets, en gros, en moyenne, hein, ça dépend des puits, des régions, etc., quand vous faites 100 kg de déchets, il y a 70 kg de déchets qui contiennent du carbone. Et dans ces 70 kg de déchets qui contiennent du carbone, vous en avez 75% qui contiennent le carbone qu'on appelle organique. Les déchets fermentescibles, les déchets verts, etc. Hein, le papier, le bois. Et que ce carbone organique qui fait partie d'un cycle qui court dans le temps, donc renouvelable, et ce carbone organique, ce que l'on dit depuis de nombreuses années, on l'a dit là, ce carbone organique, il doit revenir dans le sol. C'est la question centrale. Pourquoi revenir dans le sol? Pour deux raisons. Une raison strictement agronomique, hein, à savoir que le mode de production agricole depuis 30 ans, enfin 40 ans, a détruit la structure du sol et a pris énormément de carbone dans le sol sans le restituer. Donc il faut ramener le carbone dans le sol. Tout le monde est d'accord. Il y a un consensus là-dessus aujourd'hui. Même l'INRA le dit depuis quelques années. Même l'INRA. Il faut ramener du carbone dans le sol. Du carbone organique. Hein. Et la deuxième question, qui est liée à ce carbone organique, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup à propos des règlements climatiques, la notion du puits de carbone. Tous les spécialistes disent il faut ramener ces carbones organiques dans le sol parce qu'on va faire des puits de carbone. Non. Donc ça, c'est central. Donc toute la stratégie qu'on va faire dans la gestion des déchets doit partir de là. Hein. Je redis, hein. Sur 100 kg de déchets, 70 kg ont du carbone et donc 75 ont du carbone organique. Donc la moitié des déchets qu'on produit contiennent ce carbone organique. Donc ça, c'est la clé de cette orientation qu'on a amenée. Alors après, bien entendu, c'est vrai qu'on ne veut pas. Alors il y a différentes procédures, hein, différents procédés, hein, le compostage, méthanisation, etc. Bon, on y reviendra peut-être dans le débat, hein, sur les aspects techniques des alternatives. Hein, bon. Mais quand on a dit cela, on n'a pas tout dit. Prévention, carbone organique, il y a quand même un volet important dont on parle beaucoup parce qu'on nous apprend à trier. Alors pourquoi on trie ? Parce qu'on va recycler, et si on recycle, c'est qu'effectivement on récupère une partie des produits qu'on a extraits dans le sol, au départ. Hein, donc on diminue l'empreinte écologique. Alors donc en France, on a pris beaucoup de retard par rapport à des pays comme la Suisse ou l'Allemagne ou les pays nordiques, la Scandinavie. Mais quand même, hein, faut donner quelques chiffres, on a fait des progrès, hein, en matière de recyclage, de tri de recyclage. 2006, 60% des papiers sont recyclés. C'est quand même. La Suisse est 90%. Bon, d'accord. Mais quand même, on fait des efforts. On a mis en place des moyens, des politiques spécifiques, avec des filières. On y reviendra peut-être dans le débat, parce que la filière économique est un aspect extrêmement important. C'est pour simplement dire on va trier, il faut savoir comment tout ça se passe derrière. Sachant que ça a un coût. Mais, par exemple, tous les journaux sont maintenant du papier recyclé. Hein. Si vous prenez le verre, on est en 2006 à 57% de verre recyclé. Ce qui est pas mal. Alors, je reviens à ma bouteille plastique. Quelle est la. Alors, vous voyez, quand même, on est assez bon sur le papier et le verre. Plastique, 15%. Alors, on pourra chipoter sur le 15, mais bon, c'est 15%. Alors, pourquoi 15% de plastique ? Il y a deux raisons. Pour faire fonctionner les incinérateurs, ça c'est clair, puisque le vote plastique, c'est du pétrole, hein, j'ai dit tout à l'heure, donc c'est l'énergie. Donc, en le brûlant, on récupère une partie de cette énergie qu'on a mis, ce qu'on appelle l'énergie interne en chimie. Et donc, pour faire marcher les incinérateurs, il faut de l'énergie, hein, faut faire brûler, hein, d'accord. Donc, on récupère une partie de cette énergie qu'il y a dans les bouteilles plastiques. On dit, alors c'est pour ça que tous les partisans d'incinération disent, mais on va faire de la récupération énergétique avec l'incinération. Oui, mais que si on met le plastique dedans. Que si on met le plastique dedans. D'où on recycle peu. Hein, c'est normal, hein, puisqu'il faut faire fonctionner les incinérateurs du point de vue énergétique. Parce que si on ne met pas ces plastiques, il faudra dépenser beaucoup plus d'énergie, donc le coût, etc. on y reviendra peut-être dans le débat. Et puis deuxièmement, ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, même dans nos grosses têtes, là, dans les ministères, c'est que quand vous brûlez du plastique, on vous dit on récupère de l'énergie. Donc on évite de faire, on va faire de la chaleur ou on va faire de l'électricité. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc on évite de prendre de l'électricité ou ce gaz pour faire de la chaleur. Mais ce qu'on vous ne dit pas, et c'est là la clé du débat, hein, puisqu'on parlait de débat public tout à l'heure, la clé du débat qu'on a amené dans ce débat, c'est que quand on prend le plastique, alors je ne vais pas vous faire la démonstration, vous avez un rapport qui est en anglais, hein, qu'on a la CEPAN qui vous dit tout sur les gaz à effet de serre et la gestion des déchets. On vous dit dans ce rapport de 2002 que les Anglais ont repris que quand on prend le plastique et qu'on le brûle, on émet dans le cycle total plus de CO2 qu'on a évité. Hein, dans le cycle total, qu'on appelle le cycle de vie ou l'éco-bilan en termes de carbone. Donc c'est une tromperie. Bon. Alors, je voulais, puisque je parle de ça, je voulais quand même les chiffres, quelques chiffres hein, là-dessus. Toujours mes bouteilles en plastique. Hein. Quand on fait une tonne de bouteilles en plastique recyclées, avec on va émettre que 0,23 tonnes de CO2. Si on l'enfouit, donc si on le stocke, hein, on émet au total 1,82 tonnes de CO2. Et si on y a un incinère, c'est les chiffres qui sont là-dedans, on émet au total 2,82. Donc le plus mauvais système, c'est l'incinération du point de vue des bouteilles en plastique. Et du plastique en général. Donc le plastique, on ne le brûle pas, faut le stocker momentanément, avant de savoir comment on va l'utiliser d'une certaine façon. Troisième orientation, non c'est la quatrième, le recyclage, c'est que tous les systèmes, puisqu'on parle d'empreinte écologique, hein, il faut essayer de récupérer le maximum de produits qu'on a extraits dans le sol pour le remettre dans le circuit, même s'il faut un peu d'énergie. Ce qu'on a dit, on l'a amené au débat public, en 2004, hein, Dominique, il me semble, on a fait une réunion publique sur les systèmes réversibles. C'est-à-dire que les systèmes de gestion des déchets, quand on a trié, recyclé, etc., qu'on va appeler les déchets ultimes, ce n'est pas le terme exact, mais c'est les déchets en bout de course, effectivement, pour un certain nombre de déchets, on ne sait pas aujourd'hui les traiter. Donc on a intérêt à les stocker, et voir dans 5 ans, dans 10 ans, si on ne peut pas les récupérer pour pouvoir les traiter. On est donc dans un système réversible. Alors c'est compliqué, mais des expériences ont été menées en France, on a eu écho de ces expériences, et on a fait venir les ingénieurs qui ont fait des prototypes de centres d'enfouissement technique de décharge, hein, dits réversibles. C'est-à-dire que dans une décharge, dans un centre d'enfouissement, effectivement, il faut entre 20 et 25 ans pour que tout se décompose. Avec le système, on en discutera dans le point de vue technique, il faut 5 ans. Quoi. C'est qu'au bout de 5 ans, on peut rouvrir et voir ce qui se passe. C'est quand même une avancée significative. Ce n'est pas le miracle, mais c'est une avancée significative. Et puis la dernière orientation qu'on a évoquée, c'était nouveau nous pour la CEPAN, mais ça nous paraissait, parce qu'on parle quand même du développement durable en 2003, hein. On en parle plus aujourd'hui, c'est ce que M. Mellet a évoqué à différentes façons. Plus c'est un système complexe, la gestion, que ce soit des déchets ou autres, hein, où il y a de nombreux acteurs, du consommateur du producteur, l'économie, etc. Plus c'est complexe, la gestion d'un système et qui est lié à l'environnement, plus il faut décentraliser. Alors, décentraliser comment, pourquoi les outils administratifs et les outils de gestion? Alors, on ne va pas décentraliser au niveau du quartier. Il faut donc regarder, effectivement, en fonction de ce qu'on veut faire, quel est le niveau de base géographique et d'unité administrative la plus cohérente pour faire telle chose et telle chose. L'objet derrière cela, effectivement, c'est central. C'est que le consommateur, que l'acteur, quelle qu'il soit la nature de l'acteur, puisse décider pour faire en sorte que, puisqu'on parle de durabilité, que le maximum de partenaires de cette gestion soit impliqué. Alors derrière ça, bien sûr, après arrivent des considérations techniques, administratives et économiques. Mais si on ne met pas ça d'abord comme élément central dans le débat, effectivement, on n'appréhende pas la chose de façon cohérente. Donc voilà un peu comment on conçoit les choses. Voilà. Pour répondre un petit peu, parce que vous avez soulevé la question du débat public, du conflit, bon, comment on se situe, nous, par rapport à cela, et de l'intérêt général. J'ai entendu le mot l'intérêt général, mais c'est ça le cœur. Quel est l'intérêt général aujourd'hui dans, est-ce que c'est le politique en tant que tel, seul, ou c'est quelque chose de plus complexe? Pour avoir vécu, moi, la bataille de la Loire, je peux m'exprimer même sur celle des déchets, que la société civile telle qu'on est, nous, peut représenter aussi, à un moment donné, l'intérêt général. C'est ça le cœur du débat. Alors effectivement, dans ce débat qui a fait fort, qui n'est pas terminé, il y a quelques vagues encore aujourd'hui, hein, si vous suivez un peu l'actualité, du côté de Chinon, c'est un peu loin, mais du côté de Chinon. Mais c'est qu'un épiphénomène. C'est qu'un épiphénomène. Un peu turbulent, mais bon. C'est qu'un épiphénomène. Il est clair. Et je vais vous répondre un petit peu, hein. D'accord. Mais que lorsqu'on aborde un sujet de cette nature-là, alors on pourrait en citer plein d'autres, hein, l'affaire Saint-Tron, d'abord à Châtrenault, on va travailler dessus, c'était un peu dessus. Il est clair qu'aujourd'hui, dans notre pays, hein, je parle de la France, on est encore à cette vision centralisée de la gestion globale des grandes questions environnementales. À partir de là, il n'y a qu'une compétence, il n'y a qu'une orientation qui s'impose. Même si on déforme parfois les faits, hein, l'histoire du CO2, du plastique, là, il y a quelque chose quand même qui me semble central. Et donc, la question pour nous, c'est de savoir comment la société civile, ce qu'on représente, peut s'approprier de façon intelligente, cohérente et coordonnée, un sujet de cette nature-là. Donc voilà, c'est pourquoi, dès avril 2003, la CEPANT a considéré qu'on ne pouvait pas être seul à porter ce type de message, ces alternatives, ces orientations que j'ai évoquées rapidement. Et qu'il fallait donc organiser, comme ça s'est fait dans d'autres secteurs, un regroupement des associations qui étaient prêtes à travailler sur cette base-là. Sur les bases que j'ai définies. Hein. Et donc, il s'est formé un collectif. Alors, le débat dans le collectif, c'est pas un débat simple, hein, c'est compliqué, parce que il y a de ceux que vous évoquiez tout à l'heure, hein, qui pas chez moi, quoi. Mais pas chez moi. Alors que, ce que j'ai évoqué, les débats étaient plus larges, étaient plus, plus profonds. Donc, on a eu des débats entre nous, pour ça, à quel niveau on se plaçait dans ce débat public qui était ouvert, que nous avions ouvert. Est-ce qu'on se plaçait simplement en termes d'alternative à l'incinération? Oui, mais on découvre le fameux CET, le Centre d'enfouissement technique, avec ses problèmes. Hein. C'est vrai, on pourra en parler tout à l'heure. Moins dommageable globalement, pour moi, du point de vue de l'incinération. Mais bon, ça fait partie du débat. Mais en même temps, on fait aussi de la stratégie. Hein, ce que j'ai évoqué à peu près dans mon propos. Hein. Alors, bon, il nous a fallu un certain temps pour harmoniser nos points de vue. Il y a eu des tensions internes, c'est normal, c'est la vie. Pour avoir arrivé au bout de 2 ans à avoir vraiment une organisation, un collectif qui avait une vision claire, qui s'est formé, ça répond un peu à votre question, qui s'est formé, qui a ouvert des débats avec des techniciens, de telle manière que cette représentation public de la société civile apparaissent de façon intelligente et cohérente. Voilà le travail qu'on a fait. Et aujourd'hui, ce travail, il a porté ses fruits, parce que, et je terminerai par là, hein, moi, ce que je constate, c'est que quand je rencontre les élus, Dominique, tu pourras en évoquer, tu rencontres aussi moi sur ce sujet-là, aujourd'hui, la place du carbone organique, c'est devenu un problème important. Hein, des stations de compostage, etc. Ils s'en développent, on va en faire d'autres. C'est l'opération de ce qu'il y a à la billette, là, à jouer les tours, etc. Bon, on va revenir dans le détail tout à l'heure. Ensuite, lorsque on dit même si c'est le fil conducteur, c'est contre l'incinération. Quand je dis à M. Duvergne, plein de gens ne connaissent peut-être pas, mais c'est le maire de Chidon qui veut reconstruire son incinérateur de 40 000 tonnes alors qu'il y en a déjà un de 25 000. D'accord ? Et à la fameuse commission départementale d'il y a 6 mois, ou un peu plus de 6 mois, c'était lui. Je lui dis, mais M. Duvergne, vous vous trompez d'époque. L'incinération, ce n'est pas la réponse du XXIe siècle à la gestion des déchets. Ce n'est pas réversible. Il y a la question du CO2. La question des dioxines, c'est pas réglé. Parce que là, on peut en parler qu'elle n'est pas réglée, même si on vous dit les normes. Les graves incidents qu'il y a eu à Gien, il y a 3 ans, montrent bien que le système de contrôle des dioxines n'est pas satisfaisant. On en fait 2 par an, sur une journée. On prévient à l'avance. Et puis on fait des mesures, hein, par des jauges, qui traite que la partie liquide de ce qui est récupéré dans l'atmosphère. Et on sait que les dioxines sont peu solubles. Bon, il y a plein de choses qu'il faut comprendre, d'accord. Mais il reste encore dans ce débat, donc un certain nombre de personnes qui croient encore que l'incinération est la réponse. Donc, voilà la démarche d'une association comme la nôtre. Alors, on n'a pas toute la vérité. Mais je crois qu'on a représenté, par là, une partie de l'intérêt général dans ce débat-là. Parce que beaucoup d'élus disent comme nous, c'est un produit le déchet aujourd'hui. Donc ça avance. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon, bah, en tout cas, merci à ces trois interventions qui se sont plutôt bien complétées. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions de votre part? Peut-être. Des demandes peut-être aussi de clarification de certains mots qui ont été utilisés. Des questions sur quelques épisodes qui ont été évoqués au niveau du département ou des témoignages, des contradictions, des... Une sanction, je pense pas. En fait, si personne dit rien, je pense qu'il se passe rien. C'est à partir du moment où il y a des gens qui soulèvent la question que les choses changent. Mais d'une manière générale, je dirais, s'il n'y a pas un peu de pression et de gens qui s'y intéressent, qui sont vigilants, etc. Il peut ne rien se passer. Ça dépend vraiment des cas de figure, c'est assez variable. Pour des équipements, la CLIS se réunit régulièrement, plus d'une fois par an, parce qu'il y a des choses à dire, parce qu'il y a des choses à débattre, etc. Dans d'autres cas, où peut-être si dans cet endroit il y a vraiment d'associations, ou si. Si par exemple il n'y a pas d'associations qui sont présentes, si les services de la préfecture sont un peu débordés et voilà, c'est pas forcément leur priorité d'organiser des réunions de CLIS, ça peut un peu tomber comme ça dans le. Pas dans l'oubli, mais du moins c'est pas très sûr. Quoi. Je peux peut-être répondre, j'ai une expérience personnelle hein, des CLIS que vous avez, que celle de Sonzé pour le CET de Sonzé et la CLIS de Chanceau pour le CET de Chanceau. Je vais être assez bref parce que c'est un peu compliqué, mais CET, c'est Centre d'enfouissement technique, des charges. Oui, c'est le terme de technique. Hein, centre. Mais c'est vraiment des usines maintenant, hein, les centres d'enfouissement technique. Hein, parce que on peut peut-être en dire 2 mots là, hein, parce que c'est quand même important. On les a beaucoup critiqués, les décharges, c'est normal. Parce que les décharges émettaient du gaz, du méthane, hein, gaz à effet de serre. Il y avait des polluants liquides hein, qui dispersaient. Donc on a fait des usines. Hein, c'est-à-dire qu'on récupère la partie des liquides qu'on appelle le lixiviat qu'on traite dans une station d'épuration, comme une station banale, et puis qu'on rejette après dans, comme une station dans un exutoire quelconque. Hein, bon. Et puis, pour la partie du méthane qui est émis, parce que toutes les décharges émettent du méthane, on l'a récupéré, on en a fait une torchère, on brûle le méthane pour le transformer en CO2. Et puis, alors les deux CET actuels en Touraine récupèrent le biogaz qui se forme, le méthane, le biogaz, pour faire de l'électricité. Et puis, tous les deux ont fait de la réversibilité ces derniers temps. Or, pour celui de... Je vais prendre celui de Sonzé, hein, mais c'est pas... Je pourrais dire la même chose pour l'autre. On ne prend pas à allonger trop la discussion. Pour celui de Sonzé, nous, on était d'accord sur la réversibilité. On leur a demandé. Ils l'ont fait il y a 2 ans. D'accord. Ils ont mis, en 2004, deux alternateurs, hein, puisqu'ils font de l'énergie électrique qui rentre dans l'EDF, donc de l'énergie renouvelable. Donc c'est des systèmes assez performants techniquement. Oui, mais dans cette fameuse crise de Sonzé, il y arrive des déchets donc organiques au fait du méthane, hein, d'accord. Mais il arrive toutes les autres formes de déchets, du plastique, etc., qu'on trouve dans la poubelle grise. Or, la même entreprise gère à Mont-Louis un centre de tri. D'accord. Et de ce centre de tri, quand si vous allez visiter celui qui est à Tours, là, hein, quand il arrive 100, il y a quand même 10, 15, 10, peut-être un peu moins maintenant, hein, des choses qui ne sont pas recyclables. À Mont-Louis, on avait des tonnes, des milliers de tonnes. On n'était pas dans les quelques pourcents de déchets de... Alors, j'ai posé à plusieurs reprises, mais c'est quoi ce que vous amenez de Mont-Louis ici à enfouir? On n'a jamais pu avoir la réponse. Et les services de l'État n'ont pas pu l'obtenir. Et c'est important. C'est important parce que vous triez. Ça arrive à Mont-Louis. On pense qu'on a fait un acte citoyen et pour la planète. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Au nom de la gestion globale de son centre d'enfouissement, parce qu'il lui faut 130 000 tonnes par an, c'est ça le problème. D'accord. Il faut qu'elle les trouve, ces 130 000 tonnes. Ben, faisait une déviation, alors ce n'est pas une déviation, une divergence, sur ce qui lui arrivait à Mont-Louis, comme trier, et emmener beaucoup plus vers le CET. Donc la transparence publique, elle a ses limites. Alors, Chanceau, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un conflit entre la mairie et l'entreprise, pour des raisons X. Bon, mais tout n'est pas transparent dans ces commissions. Tout n'est pas transparent. Donc, nous, on pose des questions, mais comme la gestion est privée et qu'il y a un accord entre le privé et la collectivité pour gérer de cette façon-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'exemple de Mont-Louis est très frappant. Donc, c'est la limite de ce type d'institution. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le débat soit à la fois là et à la côté. Oui. La bouteille du doigt, quelle est la bonne filière? C'est celle qui, dans le recyclage, parce que vous parlez de recyclage de façon générale, hein, d'accord, celle qui est la moins polluante. Hein. Et là, c'est pas facile de savoir exactement que. Parce que toutes les filières de recyclage ont un caractère polluant. Hein, d'accord. Alors, soit c'est parce qu'ils se dégagent des gaz dans l'atmosphère quand on les recycle, hein, soit parce que vous les transportez, il y a le CO2, etc. Alors, ça se faisait beaucoup en Allemagne, ça, dans les années 80. Moi, je l'ai en Allemagne, il y avait beaucoup la consigne à cette époque-là. Pardon? Ouais. C'est une formule, oui. C'est une formule, pourquoi pas, hein. Alors, il faut voir. Moi, je ne sais pas que je suis sceptique ou pas, c'est, je dis qu'il faut bien regarder ce que j'ai appelé tout à l'heure le cycle de vie du système ou l'éco-bilan. Hein, et bien voir tous les facteurs qui peuvent perturber les milieux, l'eau, l'air, enfin, ou le sol, et de voir de tout cela, il y a des compromis, hein, il y a toujours un compromis au bout. Et c'est ça le problème. Absolument, oui. C'est sûr, oui. Il est vrai que si quand vous prenez une bouteille d'un kilo en verre et que vous faites la consigne et que cette bouteille en verre, vous la recyclez, effectivement, le recyclage, c'est de l'énergie. Hein. D'accord. Mais c'est peu d'énergie par rapport à ce qu'il faut pour la faire si on en fait une nouvelle. Ben, en fait, est-ce que justement la question du traitement des déchets, c'est pas plutôt la conséquence du problème, puisque la vraie cause du problème, ce serait pas plutôt justement le fait de produire du déchet. Et du coup, la production de déchets, c'est les emballages, c'est comme ça. Et donc au final, est-ce que le problème est pas un petit peu juste plus là, ici, que... Parce qu'en fait, le débat là, il est sur comment justement stocker les déchets, les traiter, les recycler, les enfouir, etc. Et tout ça, c'est... D'accord. Au final, on ne remet pas en cause le fait que le principal du déchet, c'est l'accumulation de matière. Voilà. Vous avez raison, on est d'accord là. Alors après, quand on regarde un peu dans le détail, moi je suis allé discuter avec le directeur du groupe Auchan, d'un supermarché qui a, je ne vais pas le dire si c'est du nord ou sud, hein, mais. Alors, ils font un effort pour recycler le verre, ils font un effort pour recycler tout ce qui est en carton, bois. Ils y gagnent de l'argent, je me l'ai dit. Attendez, hein, ils gagnent de l'argent, hein, dans ça, vous me le dites. Mais je lui dis, mais le problème n'est pas là. Si on se baladait après dans ces rayons, mais si on mettait deux fois moins d'emballage. Alors, il me dit, oui, mais moi, mon producteur, il est contraint, ou pour des raisons X, de faire un emballage spécifique parce que... Alors le consommateur aime bien ça, paraît-il. Les bons emballages. Hein. Il y a peut-être un peu de vrai aussi. C'est l'exemple de Danone l'a montré. Hein. Ils avaient changé leur emballage et puis ils vendaient moins de yaourt. Hein. Donc ils sont revenus à l'emballage initial. Mais en fait, ce que l'on voit concrètement, c'est que le consommateur, il ne peut jouer que sur une toute petite partie de cet élément qu'on appelle la prévention. La grosse partie de la prévention doit se faire autrement et ailleurs, hein, que par le citoyen, le consommateur. Et alors là, c'est la fiscalité, ça c'est clair, hein, la taxation, ça. Et puis la réglementation peut avoir aussi un effet important. Alors après, bah, le consommateur, il peut choisir entre deux, s'il ne fait pas entre ses pots de yaourt, hein, il y en a plusieurs marques, il peut prendre celui qui est recyclable, etc. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée, où tout dépend peu du consommateur. Vous avez parlé d'évolution. Alors c'est vrai, il y a une évolution, mais il y a une évolution sur quoi? Sur les produits qui sont rentables à recycler. C'est-à-dire le papier, le verre, et tout ça, c'est assez facile, c'est rentable, et ça peut même rapporter. Après, comme vous dites, les autres déchets, ben là, c'est beaucoup moins facile. Par contre, on a l'impression quand même que tous les moyens technologiques actuels sont pas utilisés. Par exemple, la biomasse, une station d'épuration, par exemple, tous les déchets, on pourrait s'en servir pour faire de l'énergie. Il y a des tas de choses comme ça qui sont pas utilisées. Et là, je pense qu'il y a que le législatif qui pourra les obliger à le faire. Autrefois, on rejetait tout à la rivière, bon, ben, il y a eu des lois, ça a quand même évolué. Eh bien, là, maintenant, il faut peut-être revaloriser le recyclage, là et aussi. Alors, c'est pareil, moi, j'ai entendu dire qu'effectivement, on triait, et puis parce que pour faire le supermarché, la chaudière de la centrale de Blois, tout ce qui a été trié, on le refoule dans la chaudière parce qu'on n'a plus assez de déchets pour chauffer la chaudière. À Blois, on fait ça. Du coin. Alors là, ça vous désespère quand même, là, vous sentez au plafond quand vous voyez ça. Bon, je ne l'ai pas vu, mais... Oui, oui. Je pense que là, le législatif et le politique, il faudra qu'ils soient plus présents si on veut vraiment maintenant continuer d'avancer une fois qu'on a recyclé ce qui était rentable. Mais c'est vrai que quand on fait l'inventaire de toutes les filières, parce qu'on parlait de filières, alors c'est ça qui est central, hein, il faut que derrière, il y a un système qui, à la fois technique de récupération et d'élimination et de tri, mais après, il faut qu'il y ait après un système qui est économique, hein, qui soit opérationnel et voire rentable. Privé, rentable. Privé qui n'est pas contrôlé. Or, aujourd'hui, on l'a pas mis en place, on les met de plus en plus en place parce qu'on s'aperçoit, qu'il y a une certaine rentabilité dans le système. Et il y a de plus en plus de systèmes de récupération différents, que ce soit les piles, je sais pas, le verre, le papier, etc. On a un moment à récupérer les piles et tout ça. Et c'est ceux qui étaient chargés de le retrier n'ont pas fait leur boulot. Résultat, les gens qui avaient mis leurs piles, payés pour mettre partie des déchets, étaient obligés de repayer pour que ce soit retraité. Et attendez, il y a quand même des aberrations. Moi, j'avais une question. Peut-être sur la question des conflits à proprement parler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple à Jean Jaurès, vous recevez, des fois accosté par justement des représentants d'associations qui essayent de vous faire signer des pétitions pour militer contre l'implantation d'un incinérateur ou pour toute autre chose, par exemple le périphérique au niveau de la Choisie, un certain nombre de combats comme ça qui mobilisent souvent ce réflexe un peu pas chez moi, quoi. En tout cas pas à côté de chez moi. Et souvent d'ailleurs, ces associations essayent de mettre le doigt sur cette corde un peu sensible qui est, est-ce que vous accepteriez qu'à côté de chez vous, on installe ce genre d'équipement. Et souvent, moi, ce qui me frappe, c'est un petit peu les différentes légitimités qui sont mobilisées de part et d'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir, par exemple, les pouvoirs publics qui vont... Mais les associations qui vont justement mobiliser la légitimité de l'intérêt général, alors qui l'a finalement? Est-ce que c'est le politique ou est-ce que c'est l'association? Et puis il y a aussi la légitimité de l'expertise en fait. Alors est-ce que c'est par exemple qu'il faut écouter dans ces cas-là, parce que toujours on est bien tenté de signer ou de ne pas signer ces pétitions, mais on se dit toujours... Bon, d'un côté il dit ça, mais de l'autre côté il dit ça, qui croire? Donc il y a aussi ce conflit-là. Donc c'était la première question, et puis la deuxième, c'est au niveau justement le conflit. Finalement, est-ce que c'est pas une normalité finalement du débat politique, parce que on voit un petit peu comme un problème qu'il faudrait un peu gérer, parce que finalement justement cet intérêt général, c'est pas quelque chose qui se dégage de cette, finalement c'est aussi le signe d'une certaine vitalité démocratique de la part d'une société qui prend en charge, qui prend en main un certain nombre de problèmes. Et par rapport justement à cette vitalité, par rapport à la question démocratique, la question de la lisibilité, de la visibilité aussi des modes de consultation. Parce que souvent, on a l'impression aussi que sur ces questions-là, même si ce sont des associations, ce sont quand même des gens qui se forment vraiment sur les dossiers. Il y a un côté autodidacte qui est très très poussé, des gens qui disent « Ah oui, mais moi j'ai lu ce rapport-là, c'est marqué ici, comme quoi c'est nocif et tout. » Et finalement, les autres citoyens, est-ce que finalement on ne pourrait pas les classer, les citoyens, en fonction de leur degré d'information, ou ils se sentent un peu lésés, justement, en train de regarder le politique et l'associatif qui se disputent ces différentes légitimités-là. Oui, c'est je sais pas si c'est une question, en tout cas vous soulevez plusieurs points tout à fait intéressants. Donc effectivement, il y a une certaine forme de compétition par rapport à la définition de ce que c'est l'intérêt général et au fait de posséder la bonne expertise en fait sur la question. Effectivement, de ce point de vue, chacun se revendique se positionne par rapport à l'intérêt général et mobilise une expertise qui est puisée un peu dans les réseaux d'appartenance. Donc pour les décideurs politiques, ils sont conseillés par tout un tas de professionnels ou d'experts. Du côté des associations, il y a aussi tout un tas de rapports, de connaissances qui circulent. par rapport à la place du conflit, effectivement, ouais, vous dites que c'est un peu la normalité, voire un bon signe en fait de vitalité politique. Peut-être moi, pour rebondir par rapport à ça, ce qui m'avait frappé par rapport à la situation de Tours il y a quelques années, c'était la capacité en fait de la mobilisation et des associations à poser le problème et finalement à pas rester dans la façon dont il était posé et dont il était défini par le système de décision en place, mais à le situer ailleurs, déjà à le situer dans l'espace politique. Parce que donc en fait là je parlais de différentes commissions donc, qui sont des arènes assez, assez fermées, hein, dont les gens la plupart du temps ne connaissent même pas l'existence. Là il y a eu un effort et une réussite par rapport au fait d'imposer la question des déchets et de l'incinération, notamment dans les débats, dans les élections, dans les périodes électorales. Donc à l'époque c'était les élections régionales. Et donc les gens qui étaient mobilisés ont forcé en fait à la fois les décideurs en place et les gens qui se présentaient aux élections à se positionner et à dire ce qu'ils pensaient, et finalement à mettre ça sur le débat politique. Et puis, donc c'est le fait finalement d'occuper l'espace politique. Et puis, il y a eu aussi un effet de reformuler en fait les termes du débat, et notamment sur la question de la prévention, je crois que vous avez évoqué tout à l'heure, et le fait finalement de pas poser le problème des déchets que en termes de traitement et donc de procédés plus ou moins pertinents à utiliser pour le traitement, mais de poser plus en amont et au niveau de la prévention. Et c'est suite finalement à ce débat-là que les collectivités, donc en l'occurrence toujours plus, a commencé à se poser la question de ce qu'on appelle la prévention des déchets ou la réduction à la source. Bon, de manière peut-être assez timide pour l'instant, puis c'est vrai que ça pose aussi des questions après de responsabilité, qu'est-ce qu'une collectivité peut faire par rapport à ça, bon c'est quand même assez limité. Mais en tout cas voilà, c'est deux choses qui m'avaient frappé, le fait de mettre ça au débat politique et de reposer le problème de manière différente, qui était vraiment une conséquence de la mobilisation à ce moment-là. Sur le conflit et sur la petite expérience que vous venez de raconter, c'est-à-dire le moment où on demande effectivement à des gens qui ne sont pas partie prenante d'un problème de signer en appui, il me semble que c'est effectivement un élément tout à fait intéressant. C'est parce que c'est qui pose la question de comment une cause ou comment une mobilisation de riverains accède à l'espace public d'une certaine façon, c'est-à-dire comment on met en place. Et les associations font, quand elles vont essayer de récupérer des signatures, etc., elles font ce travail que souvent elles appellent de concernement, c'est-à-dire comment, que certains sociologues appellent de concernement, c'est-à-dire comment on peut essayer de faire que d'autres personnes qui ne sont pas touchées directement soient concernées, des personnes qui ne sont pas affectées directement par un problème soient concernées et viennent nous appuyer. La question qui se pose, c'est comment on transforme une cause locale en une cause qui est plus large. Comment on pose sur le... Vous avez dit qu'une partie du travail d'associations généralistes comme la vôtre était de poser les choses sur le débat public. Il me semble que le travail que tentent aussi certaines associations de gens mobilisés contre un certain nombre de choses, c'est d'essayer de réussir à élargir le débat, à le porter sur... mais justement à essayer d'impliquer ce citoyen là qui se sent lésé, enfin qui se sentait... lésés ou en tout cas n'ayant pas les éléments du débat réellement pour pouvoir choisir entre les arguments des personnes mobilisées devenues spécialistes d'un dossier parce qu'elles ont travaillé sur le dossier et des experts du côté des aménageurs ou du côté du politique. Donc là il y a effectivement quelque chose tout à fait intéressant. Il me semble que dans la façon dont des causes accèdent à l'espace public, En travaillant sur des situations, on s'aperçoit qu'il y a des médiateurs, où il y a des groupes de médiateurs quasiment professionnels, peut-être. C'est-à-dire des associations qui ne sont pas des associations qu'on peut soupçonner de défendre un intérêt spécifique, un intérêt localisé, mais qui saisissent un certain nombre de causes. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait la bataille de la Loire directement dans une autre association, et que donc vous aviez posé un certain nombre de choses au débat public. Dans une autre association généraliste, vous prenez avec d'autres la question des... Vous essayez de d'élargir un certain nombre de débats et éventuellement de créer des collectifs, qu'on pourrait dire des collectifs hybrides, d'ailleurs des collectifs qui ne sont pas simplement des collectifs entre des associations touchées simplement par un problème, mais entre certaines associations qui, elles, sont locales, et des associations qui sont éventuellement plus larges, des naturalistes, des associations qui ont des intérêts spécifiques dans la protection de la faune et de la flore, par exemple, qui peuvent essayer de créer des alliances. Pourquoi faire ? Pour porter les choses sur le débat public et pour essayer de sortir de la question de la, du local, simplement. Alors là, moi, il y a une question moi, qui est intéressante en termes de questions de recherche, mais aussi en termes de questions pour l'action, c'est comment une cause accède réellement au débat public, réussit à devenir plus importante qu'elle-même et à susciter, à être posée sur, au niveau politique, à devenir non pas simplement un conflit et des gens qui s'opposent, mais à dire on a un problème politique. On a un problème politique ou un problème qu'il faut résoudre parce que l'opinion publique, d'une certaine façon, va appuyer un certain nombre de revendications. Et on peut peut-être réfléchir en creux sur cette situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en France, fonctionnant, combien d'incinérateurs ? Plus une centaine d'incinérateurs, un peu plus. Ils ont fermé, il y en avait 300, c'est ça ? C'est bon. En gros, il y a plus de 100 incinérateurs qui fonctionnent en France, en particulier dans des zones urbaines. Les seuls projets qui semblent ne pas poser vraiment de problème sont dans des zones urbaines, y compris dans des zones très denses, dans la banlieue parisienne ou dans des zones denses autour de Lyon. Il y a vraisemblablement autour de ces incinérateurs des riverains qui essayent de poser la question de l'incinérateur, mais qui n'arrivent pas le plus souvent, me semble-t-il, à poser cette cause de comment on fait avec un incinérateur qui est déjà là pour essayer de changer la situation du fait que l'incinérateur est déjà là. Alors que lorsqu'il y a un projet, il semble qu'il y ait beaucoup plus de possibilités de prise sur la décision à différents moments. Vous avez évoqué, Laurence a évoqué la question de l'enquête publique, un certain nombre de dispositifs qui constituent des formes de prise pour des associations sur des scènes sur lesquelles elles peuvent exister. Et cette contradiction entre la situation dans laquelle en France aujourd'hui il est très difficile de faire, même dans des situations très très peu denses, un incinérateur, et dans laquelle il est, à mon avis, relativement plus facile de continuer à faire fonctionner des incinérateurs dans des milieux denses, ça veut dire à Lyon des incinérateurs dans lesquels il y a du collectif, il y a de l'habitat collectif autour, mais simplement aussi dans la banlieue parisienne, me semble poser très clairement cette contradiction de comment on accède ou pas à l'espace public, comment il y a des débats peut-être que certains d'entre vous portent, mais qui ne prennent pas de certaine façon, et comment d'autres prennent à un certain moment. Et là, il me semble qu'il y a un débat à la fois pour la recherche et puis pour l'action, et pour le sens même de l'action des personnes qui sont impliquées. Mais j'arrête là. Je voudrais répondre à la problème de l'expertise, de la contre-expertise. C'est le cœur de... Pardon ? D'accord. Dans notre société française, que je connais bien depuis de nombreuses années, et l'environnement depuis plus d'une quinzaine d'années, la question majeure, elle est encore là aujourd'hui, hein, une fois avec le nucléaire, par exemple. C'est le problème de la contre-expertise. Est-ce qu'on est capable en France de mener des contre-expertises indépendantes aujourd'hui ? Je dis non. Parce que pour faire de la contre-expertise, il nous faut des lieux de recherche indépendants du pouvoir public. Il n'y en a pas, ou peu. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce qu'on retrouve d'une façon générale, et ça rejoint ce que vous venez d'évoquer, c'est que depuis, disons, 40, 50 ans, la gestion des affaires environnementales en France à travers les enquêtes publiques, toutes les modalités spécifiques, que ce soit la loi, qu'on considère que l'expertise officielle, vous l'appelez comme ça, hein, est la seule qui peut être soumise au débat. Je pourrais vous prendre plein d'exemples. Donc, la question centrale qu'on a à se poser, nous, association, c'est que ce soit pour l'affaire de Saint-Tron, l'incinérateur, que ce soit la Loire, que ce soit d'autres choses, c'est de dire, est-ce qu'on peut construire une forme, une forme de protection? Ma réponse est oui. Et c'est ça qui a fait bouger les lignes en France depuis une quinzaine d'années, parce qu'il peut y avoir des contre-expertises partielles qui viennent en contradiction avec l'expertise officielle et qui contraint les pouvoirs publics, souvent parce qu'il y a des rapports de force qui se créent autour de ça, qui amènent aujourd'hui à dire, et ça je peux vous on pourrait parler longuement de ça, hein, mais ce n'est pas le moment là où ce soir, qu'il est possible en France aujourd'hui, que ce soit sur les problèmes de santé, vous évoquiez en partie, que ce soit les problèmes de l'eau, que ce soit les problèmes de pollution atmosphérique ou autre, on peut construire des formes de contre-expertise. Pour des raisons multiples, hein, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des chercheurs qui veulent bien travailler avec nous, parce qu'il y a des expériences à l'étranger sur lesquelles on s'appuie. Hein, c'est ça qui est intéressant, hein, des études... à l'étranger, sur lequel on s'appuie, qui font référence et qu'on cache en France parce qu'on ne veut pas mettre ça au débat public. Donc, je crois que une des clés de la modernité de la société française pour le 21e sur ces enjeux spécifiques, indépendamment du conflit, comment on va le gérer, hein, c'est ça. Hein, c'est est-ce qu'on peut créer des formes de contre-expertise? Et ma réponse est, je pense, mais ça demande beaucoup de temps, ça demande des efforts. Il y avait donc monsieur, après ouais, monsieur, puis monsieur. Oui, je voulais revenir un petit peu sur, on va remonter un tout petit peu sur la question de l'histoire. Oui, pardon. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur la question de l'histoire, mais pour conclure justement un petit peu sur ce que vous disiez à la fin. L'histoire en Touraine, c'est quand même aussi, il faut le dire, qu'il n'y a pas que des associations qui sont NIMBY. Il y a aussi des élus qui sont NIMBY, c'est-à-dire, et puis pour pas mâcher les mots de trop, par exemple, quand il y a eu l'étude de l'implantation de l'incinérateur, il y avait plein de sites, mais pas chez le président de Touraine Prof. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses comme ça qui ont été un peu provocatrices. Par exemple, on était réunis pour parler du plan, le plan qui se passait plutôt bien, hein. Moi j'étais assez d'accord avec cette façon de procéder. Mais en même temps, le syndicat Touraine Propre travaillait que pour mettre en place un incinérateur. C'est-à-dire qu'il n'étudiait que ce morceau-là au lieu de prendre l'ensemble du plan à étudier. C'est-à-dire qu'il y avait deux instances, si vous voulez, qui étaient en conflit, puisqu'on parlait des conflits. C'est-à-dire d'un côté une population, parce que je crois que la commission a été très très large, il y avait plein de gens qui participaient, on s'était cité tout à l'heure très bien. Mais c'était même plus large que ça. Il y avait même des personnes qualifiées, comme on pourrait dire, c'est-à-dire des gens qui ont une partie de l'expertise et qui pouvaient amener leur expertise. Donc le préfet avait été très large dans l'organisation, disant plus il y aura de gens un peu compétents, mieux ça sera notre plan. Mais en même temps, vous aviez des élus qui travaillaient que sur une solution. Si bien que, fatalement, au bout d'un moment, il y avait conflit, puisque il n'y avait qu'un morceau du plan qui était pris en considération. Voilà, alors ça, plus, je vous dis, le président qui lui-même a dit ça sera chez les autres et pas chez moi dans ma commune, ça posait, vous voyez, tous les ferments étaient là. Alors les médias s'en sont mêlés, j'insiste là-dessus, parce que si les médias n'avaient pas porté ça devant la population, effectivement, l'information ne serait pas passée. Parce que en même temps qu'il y avait le débat dans ces deux instances, je veux dire, au grand de la foule, il ne savait rien du tout. Et c'est par cette information médiatique, par le fait que Touraine Propre étudiait les sites d'incinérateurs, qu'il y a eu, à ce moment-là, des associations NIMBY. Mais c'est que à ce moment-là qu'elles sont réveillées. C'est quand les gens disent « Ah, ben attendez, c'est chez moi, alors là, ce coup-ci, ça ne me plaît plus. » Mais dans tout le débat préalable, elles n'étaient pas là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas organisé pour. On n'a pas eu un grand débat public avant, disant « Bon, on a plein de déchets, qu'est-ce qu'on en fait en Touraine, messieurs les citoyens, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. » C'est vrai que ça n'attire pas les foules énormément, mais quand même, ça n'a pas eu lieu. Hein? Donc, on avait des instances qui fonctionnaient, les conclusions qui n'étaient pas obligatoirement très favorables, puis les médias, ils ont dit que c'était très bon. Et c'est seulement après, quand les associations commençaient à fonctionner, à ramer, etc., qu'on a réussi à ce que Touraine propre, qui s'enlisait finalement dans son affaire, elle a dit « Bon, ben, je vais changer mes statuts, je ne vais pas seulement étudier l'incinérateur, je vais aussi étudier les autres filières. » C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on commençait à avoir un débat, puisqu'ils n'étaient pas bloqués sur leur truc. Et c'est que à ce moment-là que les politiques se sont mêlés de l'affaire, que l'accord, le moratoire, etc. est arrivé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire... Ce qui est un peu dommage en France, c'est que l'histoire, elle arrive toujours après les conflits. Et on n'a pas... on pourrait remettre, moi je pense, sincèrement, qu'on pourrait remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire inviter toute la population en disant « qu'est-ce qu'on fait des déchets ?» Voilà. Quelqu'un commence à se poser des questions, est-ce qu'on pourrait pas en faire moins, par exemple, voilà. Oui, ce genre de débat. Mais on le fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on pose les arguments du conflit, on fait le conflit, on essaie de résoudre le conflit, puis après on dit qu'est-ce qu'on pourrait être intelligent. Je pense qu'il y a un vrai problème dans l'organisation de ça. Alors, après, expert contre expert, je suis assez d'accord. Mais bon, aujourd'hui, je veux dire, tout le monde avec un peu de boulot peut être contre-expert. Hein. On a la chance peut-être dans notre société d'avoir des tas de choses à notre disposition, donc dès qu'on va avoir une réponse, c'est pas mal. Voilà. Et par exemple aussi un truc, parce que ça m'a fait réagir énormément, dans le cas du plan ce coup-ci. On est en 2000, à partir de 2000-2002, la fin du plan. Je ne me rappelle plus des dates, hein, je crois que c'est 2002 la fin du plan. En tant qu'association, on a essayé de faire rentrer la question du CO2, d'accord, dans le plan. En disant, un des arguments du plan, si on veut motiver les matières organiques, si on veut motiver le plastique, si on veut motiver le recyclage de tout ça, qui coûte cher, hein, on est bien d'accord, ça coûte cher, mais si on veut motiver cette question, bah, en fait, on a un bon argument, c'est le CO2. Surtout qu'à l'époque, l'ADEME commençait à se poser la question de la cotation du CO2 à la bourse. Hein, vous savez que, voilà. Se dire qu'un jour ou l'autre, on va avoir à payer la tonne de CO2. Donc c'était intéressant de faire entrer dans le plan. Et je me rappellerai toujours, parce que alors ça c'était une source de conflit également, la préfecture en disant « j'ai pas d'ordre pour rentrer ça dans le plan, donc je le mets pas ». On était en 2002, c'est-à-dire que la question du CO2 commençait à se poser d'une manière un peu majeure. Vous voyez, c'est-à-dire que la création même de l'absence de débat à un moment donné fait qu'il y a conflit. Hein, voilà. Alors ça, moi j'insiste là-dessus, parce que finalement toute l'histoire s'est déroulée de cette façon, parce qu'à chaque fois on avait une cause qui faisait que ça ne marchait pas. Alors voilà, bon, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça qu'on le vit encore un petit peu, c'est comme ça que se pose la question de l'incinérateur, c'est qu'on ne veut pas voir qu'un incinérateur, ce qui a été très bien dit, j'insiste toujours, ça fait toujours bondir tout le monde, mais c'est ça, on brûle une tonne de d'ordures, ça nous fait une tonne 3 de déchets, c'est intéressant, dont une tonne de CO2, quand vous brûlez une tonne de déchets, vous faites une tonne de CO2, plus tout ce qui reste, les scories, les réfiums et compagnie. Quand vous brûlez un mètre cube de déchets, en gros une tonne, vous fabriquez, vous générez je ne sais combien, plusieurs décamètres cubes de déchets, à savoir du CO2. C'est le nom d'Avogadro, je ne sais plus comment, il y aura un calcul à faire, un savant. C'est-à-dire que, sous prétexte qu'on ne voit pas le CO2, qui sent pas, qui n'a pas d'odeur, et machin, etc., ce n'est pas du déchet. Or, on sait qu'on paye le CO2 en ce moment. Hein. Les petits copains du Sud-Ouest, là, ils l'ont payé le CO2. Donc, il faut qu'on arrive à rentrer dans cette question-là, enfin pour moi en ce moment, qui paraît essentielle, qui est essentielle pour heureusement plein de scientifiques, partout, que ce soit la météo, que ce soit les géologues, que ce soit, enfin bref, c'est une vraie question de géographie pour le coup, qu'est-ce qu'on fait de notre carbone? On en a trop parce qu'on l'envoie dans l'atmosphère. Ça va pas, c'est pas jouable, c'est pas viable. Donc il faut qu'on règle cette question-là. Alors les déchets nous posent la question, il n'y a pas que ça, il n'est pas viable et tout, mais la question des déchets est importante. Comment on va faire pour récupérer notre carbone? Puisse le garder, se le stocker, se l'enfouir, enfin je ne sais pas en faire ce qu'on veut, mais pas le balancer dans la nature, quoi. Alors voilà, et ça c'est, ben, ce débat-là, hélas, j'allais dire, parce que ce n'était pas évidemment à nous de l'amener, c'est les associations qui l'ont amené. Hein, et voilà, on a tous cette question-là. Alors juste tout petit bref d'histoire quand même, le conflit a démarré sur les déchets en Touraine en 77 ou 78, enfin dans ces eaux-là. Quand le tas d'ordures de Pernay pour la ville de Tours était saturé jusqu'au cou, puisque la ville de Tours déjà envoyait ses ordures à Pernay, et qu'à l'époque Jean Royer avait dit ben, c'est très bien, on va faire une usine de méthanisation. Et là, on a eu un mouvement écolo qui n'existait pas vraiment à l'époque, en disant génial, enfin on va être une ville moderne et on va anticiper la question du carbone. D'accord ? Puisqu'il s'agissait de faire du méthane, c'est-à-dire c'était la méthode d'Amiens, pour ceux qui connaissent. Valorga, Amiens, voilà, c'est ça. On s'est dit, on va faire ça à Tours. Il y avait le site à Monet, je peux vous y emmener, ça existe toujours. Enfin, voilà. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'est déjà envoyé. Il a dit, Nietzsche, on fait son étude. Voilà. Enfin, après, plein de péripéties. Mais le premier conflit, il était là, déjà sur le carbone. Vous voyez, en 80, on est 30 ans d'avance. Et c'est dommage, quoi, vous voyez, on ne va pas au bout de ces choses. Alors, comment, après le conflit entre le politique et les assos et la population, vous avez bien compris le problème, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit à table, là. Bon, voilà, il y a une seule solution, c'est de débattre, quoi, mais débattre avant, à l'amont, pas après coup, quoi. Pourquoi ça se passe mal à Chinon? C'est parce qu'il n'y a pas de débat, il faut être clair. Il n'y a pas de débat du tout. Pour prendre juste un mot, pour prendre le contre-pied, il y a un contre-argument à ce que vous venez de dire, qui est souvent repris par des politiques, qui est de dire, justement, si on fait les choses avant, ce que vous avez dit aussi, les gens ne viennent pas. Donc pour avoir des gens organisés, mobilisés, etc., il faut, alors ils ne le disent pas comme ça, mais où les gens qui viennent ne se sentent pas concernés, intéressés, etc. C'est peut-être un des intérêts du conflit pour prendre ce qui est chez les Jupiters, c'est d'avoir des gens qui sont... Le débat sur LGV, par exemple, il y a eu un débat public il y a à peu près 10 ans, absolument. Et là on a participé, et aujourd'hui les associations qui travaillent pour le LGV, donc sur le détail, etc., c'est celles qui avaient déjà dit qu'elles étaient d'accord il y a 18 ans. Enfin, je pense que dans l'histoire, quand il y a du débat public un peu sérieux, on peut le créer, le débat. Hein, on n'est pas obligé de... Voilà, on peut le provoquer. Oui, d'où la nécessité peut-être d'élargir cette question du débat public à des questions incinérateurs. Alors, la loi de 88, je suis d'accord, elle est sous-exploitée. Pour répondre dans le sens de ce qui vient d'être dit, on va souvent en Touraine, c'est souvent des associations ou des... parce que suite à des problèmes que les choses ont avancé. Par exemple, je me rappelle que les laboratoires pharmaceutiques là qu'on a, quand la cuve de médicaments n'était pas bonne, boum, on balançait ça dans l'Inde. Bon, les poissons, ils n'étaient pas durs à pêcher. Enfin, bon, c'est l'association de pêcheurs qu'on fait évoluer. Bon, maintenant, il y a des bassins de rétention. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Bon, quand les problèmes dans le petit cher, on balançait les huiles, on balançait les acides, on balançait tout. Bon, bah là, maintenant, il y a des bassins de rétention, on regarde le pH de l'eau avant de le rebalancer et tout ça. Mais c'est à chaque fois, il a fallu des... Je me rappelle un dossier encore plus chaud, c'était l'atrazine, la samiazine qu'on fabriquait à Joué-les-Tours. On a pollué tout Joué-les-Tours, on balançait ça dans le cher, il a fallu que les associations de quartier et machin... Alors, la même usine fabriquait de l'atrazine, la samiazine en Suisse avec des filtres. Alors ça, c'est vrai aussi pour les incinérateurs, il y avait des filtres sur les cheminées et tout, et l'usine qui était en Suisse ne polluait pas. Par contre, à Joué-les-Tours, on a fait je ne sais pas combien de milliards pendant 5 à 10 ans, parce que la législation française et de l'entourage, c'était possible de le faire. Voilà, mais bon, alors après quand ça a plus été possible, on a délocalisé l'usine, on l'a bazardé, mais il n'empêche que pendant 10 ans, tant qu'il n'y a pas eu de réaction alentour, on a pollué, on a balancé dans le cher, etc. Alors c'est quand même un problème, quand même. Il y a le système libéral tout à l'heure dont vous parlez, profite des failles du système, si ça peut rapporter de l'argent, on n'en a rien à foutre de ce qui se passe autour. Alors, juste une petite précision, vous avez parlé d'LGV, donc c'est la ligne à grande vitesse qui devrait passer dans le Val du Cher. Monsieur, derrière, a vu une question, et puis après, monsieur. Moi, je voulais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la qualité des interviews, on a parlé de Not in My Backbone, et quand on parle des incinérateurs, je crois que on dépasse largement ça. Sur deux exemples, on sait que les cheminées, sur la taille des cheminées, l'orientation des vents, toutes les émanations gazeuses acides des usines allemandes se retrouvent dans le Grand Nord, donc en Arctique, dans le nord de la Suède, etc. Donc, tous les lacs en Finlande sont acides. Et tout ça. Et une autre, moi j'ai l'occasion, dans mes études, de travailler dans un laboratoire au centre d'études nucléaires, à Fontenay-aux-Roses, et on savait très bien qu'à l'époque, quelques années déjà, quand il y avait des explosions atomiques atmosphériques qui étaient réalisées en Chine, 3 semaines après, les analyses de prélèvements faits en France trouvaient des marqueurs artificiels, donc vraiment typiques de ce genre de réaction. Et il fallait que 3 semaines. Donc ça montre bien qu'au niveau atmosphérique, ça dépasse largement le jardin du voisin. C'est un problème global au niveau de la planète. Et ça se passe au niveau des hémisphères. Il y a très peu entre les deux hémisphères. Mais la question que vous soulevez est importante parce que par rapport au changement climatique, cette question de ce qu'on pollue, nous, dans le pays tempéré, en latitude moyenne, en émetteur de toutes sortes de polluants, hein, entre autres les particules de carbone, hein, le diesel, etc., on les retrouve dans l'Arctique. Hein, et il y a des pollutions spécifiques qui conduisent indépendamment pour les écosystèmes à ce que ces particules de carbone, alors qui peuvent être aussi les incendies qu'il y a en Sibérie, hein, d'accord. Ça modifie la réflexion de la couche superficielle de la calotte glaciaire, ce qu'on appelle l'albédo, hein, et c'est ce qui provoque un réchauffement plus important, le fait qu'on a émis, nous, des particules qui s'en vont là-haut. Et ça rejoint ce que vous dites. Donc, c'est notre pollution à nous, elle n'est pas que locale. Un dernier point par rapport à tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. On n'a pas tellement parlé de scientifiques. On a parlé de politique, on a parlé d'associations, etc. Et les scientifiques ont été absents du débat, comme si ils n'intervenaient pas. Il y a un très bon exemple, c'était l'exemple de la CRIRAD dans les années 80 sur le nuage de Tchernobyl, qui ont fait un travail indépendant de mesure et qui parfois étaient en opposition avec les résultats qui étaient présentés officiellement. Parce qu'on sait très bien que des résultats étaient occultés. Enfin, moi, je le savais à titre personnel, mais c'est autre chose. Qu'il y a souvent des résultats qui ne sont pas communiqués. Et on sait très bien qu'en analyse, dans toutes les méthodes d'analyse, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et pour parler de l'eau, tout à l'heure, on parlait de l'eau minable. C'est un autre problème, mais par exemple, il y a des gens qui ont cherché 200 polluants, qui ont trouvé 200 polluants. Il y a des gens qui ont cherché 800 polluants, qui ont trouvé 800 polluants dans l'eau. Donc après, les questions, qu'est-ce qu'on cherche? La question de la science mériterait qu'on ouvre un vrai débat là. Parce que... Il faudra des laboratoires. Ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est difficile. Je crois que vous répondez, ce qu'on passe directement aux questions. Ah oui, peut-être juste sur la question des scientifiques, je pense qu'ils sont ceux qu'on n'a pas abordé directement dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais en fait ils sont présents en filigrane et ils sont mobilisés, ils sont sollicités par chacun des acteurs qui développent une position par rapport au problème. Mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas en France actuellement, il y a un débat, il y a une controverse de nature scientifique portée par des scientifiques autour de l'incinération, avec des gens qui se positionnent pour la demande d'un moratoire, etc. Ou d'autres au contraire d'ailleurs qui relativisent les impacts, mais en tout cas il y a une controverse, oui on peut dire scientifique, notamment autour des questions sanitaires par rapport à la dioxine. C'est assez récent, mais bon, c'est... Oui, oui. Ouais. Qui a été dit par le président du CEPAN à propos des dioxines, justement, qui ne sont pas vraiment recherchées. Si on les... Il faut les rechercher évidemment dans les corps gras, parce que c'est soluble que dans les graisses, on les retrouve dans les graisses de tous les animaux. Et toutes les jauges, oui, toutes les jauges qu'on met actuellement autour des incinérateurs pour montrer qu'il n'y a pas de dioxine, c'est des jauges qui ont un certain nombre, qui récupèrent que l'eau de pluie. Hein. Et les dioxines sont peu solubles. D'accord, vous vous souvenez de... C'était par rapport à ça, d'ailleurs, que je voulais réagir au début. Et après, j'ai une deuxième question. C'était sur le manque de confiance que vous évoquiez au début. C'est lié en partie au manque de confiance dans les contrôles, dans les expertises, dans les contre-expertises qui peuvent être. Quand on regarde certaines émissions à la télé, on voit bien que là c'est un autre domaine, mais c'était sur les plantes génétiquement modifiées, les experts étaient dans le camp du producteur ou dans le camp des opposants, les résultats étaient totalement différents. Ce que vous nous confirmez en fait par rapport à la technique de recherche, quand on veut chercher quelque chose et qu'on ne veut pas le trouver, on cherche exactement là où on ne peut pas le trouver. Alors justement, moi je me posais une question qui est liée à des nouvelles technologies qui sont censées nous diminuer la pollution de CO2, notamment les capteurs solaires. Alors, dans la logique actuelle, on nous incite à mettre des capteurs solaires sur nos toits de maison, des choses de plus en plus souvent. Alors ça pose deux problèmes. Est-ce qu'il y a eu une réflexion qui a été faite autour du recyclage de ces capteurs quand ils seront... Vous avez une réflexion concrète qui a été faite autour du recyclage de ces objets quand ils sont détruits. Et le deuxième aspect, c'est que j'ai l'impression que par rapport à ces éléments-là, Moi, je recycle de l'eau pour mon jardin, de l'eau de pluie qui vient de mon toit. Et le problème qui se pose, c'est dans 10-15 ans, si je pose ces capteurs sur mon toit, est-ce que je ne vais pas avoir de l'eau polluée qui tombera dans mon jardin, tout simplement parce que ces trucs se sont détruits, qu'il y aura des émanations. Et là, la pollution, je l'aurais créée moi-même, en allant la chercher. Par rapport à ça, j'aimerais savoir avoir votre opinion sur la démarche. Pour une fois, est-ce qu'il a été fait une démarche qui était une démarche d'anticipation par rapport au recyclage, par rapport à la pollution qu'allait créer ce genre de solution, qui a priori sont miraculeuses, mais qui, on sait bien, c'est des produits qui sont complètement en jeu à l'origine. Exactement. Qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Et voilà, on s'assume, on est en train de se créer un truc génial, mais qui dans 20 ans va être de l'amiante à puissance 10, parce que tout le monde aura installé chez lui. Donc voilà, je voulais avoir votre opinion par rapport à cette chose-là. Est-ce que pour une fois, l'expérience du monde, il faut peut-être réfléchir un peu? Est-ce que ça a été fait? Sur la gestion du silicium, hein, parce que le capteur solaire c'est du silicium, l'éco-bilan dont je parlais tout à l'heure, alors l'éco-bilan c'est pas que la détermination de la quantité de CO2 dans tout le système, hein, il n'y a pas que ça. Il y a tous les polluants, les pollutions qui peuvent se produire sous une forme ou une autre quand c'est fabriqué d'abord et après quand c'est rejeté en termes de déchets. Sur les capteurs solaires, il y a peu de choses. On ne sait pas. Hein, le cycle de vie n'a pas été. À ma connaissance, hein, aujourd'hui, hein, je ne sais pas de Moi, j'ai entendu dire plusieurs mais, fois mais que j'ai entendu, le capteur n'était pas rentable économiquement, c'est-à-dire qu'il ne produirait jamais l'énergie qui avait été nécessaire pour les fabriquer. Au début. Alors maintenant, ils ont évolué, ils se sont améliorés. Maintenant, le problème, c'est que j'ai un toit, j'ai de l'eau qui coule, et cette eau, peut-être, un jour, sera totalement polluée, non pas par ce qui retombe de. Qui existera toujours, ça c'est évident, surtout si on ne trouve pas d'alternative. Mais qui sera simplement lié au fait que ça coule sur un. Moi, je ne peux pas vous répondre là, parce que ce que j'ai lu, c'est effectivement il y a des doutes hein, sur la gestion des déchets et du silicium. Hein. Donc, c'est clair. On ne sait pas. On attend de voir que l'on va. Ah bah. Quand on aura constaté plein de maladies et plein de cancers, on se posera des questions en disant tiens. Absolument. Donc on est encore toujours dans cette logique de je fais. J'attends les effets et j'essaie de réparer. Alors, c'est la logique actuelle. Je ne répondrai qu'une seule chose. Ce qu'on a souvent développé, nous, à la CEPANT, à différents moments, depuis une quinzaine d'années, que je pratique, hein, c'est, qui fait partie du débat public aussi, c'est la précaution. Quoi. Qu'est-ce que c'est que la précaution? Les débats qu'il y a derrière la précaution. Là, on ne va pas ouvrir ce débat-là, hein, parce que c'est. Mais effectivement, c'est un débat central. C'est à qui de faire la preuve qu'il y a problème. Alors, quand M. Sarkozy, il y a un an, a dit. On va faire la charge inverse de la preuve. Moi, j'ai applaudi dans mon fauteuil. C'est la première fois que j'entendais un politique dire cela. Mais après, il faut le mettre en application. C'est ça, le problème. Il faut qu'il y ait la contre-expertise. Là, c'est clair. Hein, pour les OGM, c'est évident. Hein. Bon, ouais, enfin, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais non, c'est un beau débat. Mais ça rejoint, en fait, hein, ça rejoint sur la notion de l'expertise contre-expertise. Précaution. Juste un tout petit détail pour répondre à M. Guilmar. Il y a un certain nombre de produits, notamment des panneaux solaires, qui sont travaillés en éco-produits, c'est-à-dire avec la réflexion sur la source. Parce que votre question était très bonne. Le silicium, il n'y a pas de problème, c'est un matériau naturel, machin. L'emballage aluminium, souvent, ne pose pas trop de problèmes, mais un petit peu quand même. Hein, l'aluminium, c'est pas si simple. Par contre, c'est les peintures noires qui ont été utilisées pour faire les fonds et les capteurs. Et ça, souvent, c'était du plomb, c'était n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui se sont émus de cette affaire, notamment. Et il y a, alors, je ne connais pas la réponse, mais je crois que l'UFC Que Choisir avait fait un travail sur l'amont, pour répondre complètement à la question. Mais je sais, par exemple, qu'on a travaillé, mais une grosse bêtise, on a fait des capteurs solaires, disons, militants, et on faisait des caisses en bois. Et pour pas que le bois pourrisse, on faisait avec du créosote. D'accord. Pour empêcher de boire. Donc voilà, ça se fait. Mais oui, on est bien d'accord. Il y a aussi toutes ces bêtises-là. Donc ça veut dire qu'il faut. C'est à la conception et c'est aussi la recherche uniquement qui peut répondre à ça. Est-ce qu'on a des techniciens qui sont capables de remonter comme ça? Mais c'est une très bonne question parce que souvent on fait du mal. Voilà, c'est tout ça. C'est le problème de la technique. Qui consiste à dire je fais, il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent, de mieux. Parmi tout à l'heure des déchets dont on ne savait pas quoi faire. On attend dans 10 ans, dans 120 ans, on trouvera ce qu'on en fera. Hein. Mais on en est dans cette logique-là, actuellement. On produit des déchets, puis on se dit, les autres sont plus intelligents, ils auront plus de connaissances, ils seront accumulés. Voilà. ils pourront peut-être gérer. Le peut-être, je ne sais pas où il est. Mais ça, c'est vrai que c'est un des débats aussi qui seront un des fondamentaux de la société. C'est notre façon de réagir par rapport à ça. Moi, je pense que ça va même plus loin que ça dans la démarche administrative sur les panneaux solaires. Il y a une dérive de l'utilisation de ces subventions. Alors, moi, j'en ai discuté avec eux dernièrement. Alors, ils me disent, vous allez produire de l'électricité, vous la revendez systématiquement à l'EDF, vous ne l'utilisez pas. Bon, c'est pas la maison de l'eau, on est loin de là. Donc, vous la revendez plus cher à l'EDF, 50 centimes, je dis n'importe quoi, et l'EDF va vous utiliser. Parce que vous ne pouvez pas utiliser l'énergie que vous fabriquez, l'énergie de l'EDF qui coûte que 3 centimes. Alors donc c'est en fait une opération financière, c'est vraiment foutre de la gueule du monde, c'est un foutage de gueule. C'est comme si on empruntait de l'argent à une banque et qu'on le replaçait dans une autre banque à un taux plus cher. Alors ils nous disent, bon, le panneau solaire au bout de 20 ans, il va peut-être être foutu. Alors là, vous pourrez voir si vous utilisez votre énergie. Parce que c'est un contrat, soi-disant, sur 20 ans avec l'État qui vous garantit, soi-disant, alors si ça fait comme pour le gaz, qu'on leur garantissait une rentabilité, etc., je ne sais pas où on va. Enfin, il y a des dérives financières, c'est vraiment du foutage de gaz. Juste quelques précisions, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc ça va vraiment être les dernières interventions pour permettre aussi aux intervenants de répondre. Donc je vous demandais d'être assez concis pour que. Qu'on a un petit moment après le café pour ceux qui veulent poser des questions, un petit peu discuter, parce qu'on doit rendre les locaux à 23h tapante. Voilà. Donc allez-y. 23h. 23h. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, non. Par rapport à ce que vous disiez, l'électricité qu'on peut produire nous-mêmes est totalement incapable, on ne peut pas la gérer au niveau d'une de nos propres maisons. Si, mais il faut 700 mètres carrés minimum. Mais non, mais l'énergie sera produite pendant un temps qui sera très très court. Et cette énergie, on ne peut pas la stocker. Si, on peut la stocker sur des bâtiments de 700 mètres carrés. C'est un beau sujet, les énergies alternatives, ou renouvelables. Tiens, le milieu, celui-là. Oui, parce que quand on parle de contre-expertise, il y a un problème, c'est qu'il faudrait, avant de pouvoir développer la contre-expertise, donner un statut aux lanceurs d'alerte. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des chercheurs qui sont en contre-opposition avec la version officielle. Il n'y a pas de statut de lanceur d'alerte. Et ce qui se passe, c'est qu'après, ils se trouvent en difficulté, ils se trouvent, il y a des pressions au niveau de leur emploi, de leur statut, de leur laboratoire. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu héroïque de vouloir contester. Pour l'expertise, ça ne fait pas problème, parce qu'il n'y a pas de statut légal pour les gens qui sont dans son arrière. On est d'accord. Quand je parlais de contre-expertise et de l'organiser, c'est ça derrière. Mais je pense que c'est en train d'évoluer, cette question des lanceurs d'alerte. En tout cas, ça arrive au débat public. Il y a des gens qui revendiquent la reconnaissance donc d'un statut, notamment qui protège les gens par rapport à leurs institutions s'ils dénoncent en fait des choses qu'ils auraient observées. Parce qu'il y a certains pays, comme je crois le Danemark par exemple, où les scientifiques ont un statut officiel. De protection de lanceurs d'alerte. Les États-Unis aussi. Juste un mot pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il me semble que la teneur de notre débat, en particulier sur l'expertise, sur les analyses, sur les normes, est totalement en phase avec ce qu'on peut lire dans un certain nombre de textes de sciences sociales, y compris sur l'idée que aujourd'hui, sur la perte de confiance dans la science, hein, c'est-à-dire, y compris dans l'idée, et qui est un des drames, lorsqu'on parle avec les gens qui gèrent aujourd'hui les politiques environnementales, ils nous parlent quasiment en termes de drame pour eux du fait que les populations n'aient plus confiance dans les normes qu'ils ont à mettre en œuvre, c'est-à-dire que quelle que soit la norme, hein, le sens de ce que vous dites, mais c'est très clair et c'est partagé par effectivement aujourd'hui par beaucoup de monde, quelle que soit la norme, si on cherche 200 polluants, on trouve 200, si on en cherche 300, entre autres passants. Et aujourd'hui, nous avons des politiques environnementales qui obligent effectivement à chercher plus de polluants. Et donc, nous avons des gestionnaires de politiques environnementales qui disent « Nous faisons beaucoup mieux qu'il y a 15 ans. Nous faisons beaucoup mieux. » Et c'est vrai. Je pense que tout le monde aujourd'hui dirait que c'est vrai en termes de normes. Mais en même temps, nous sommes soumis aujourd'hui à une perte de confiance et à l'idée et à un soupçon généralisé sur les normes que nous mettons en œuvre. Alors qu'il y a 15 ans, on faisait des choses qui étaient beaucoup moins importantes en termes de protection des populations, de protection des milieux, de contrôle même, de façon de mesurer. Aujourd'hui, nous sommes soumis au quotidien à un soupçon généralisé. Donc ça veut dire, la question de la société du risque, c'est pas qu'il y a plus de risques aujourd'hui dans la société, mais c'est justement que l'ensemble de ce que nous faisons est soumis à ce soupçon qu'il y a un risque potentiel. C'est ce qui a été dit sur les capteurs solaires. C'est-à-dire que les capteurs solaires aujourd'hui ne peuvent plus être présentés comme une solution sans avoir à répondre de la possibilité d'un risque éventuel sur la mise en place du capteur solaire. Donc on est à la fois dans une perte de confiance et dans une exigence, alors on pourrait dire, certains disent, de réflexivité, et c'est-à-dire que le capteur solaire doit en même temps apporter la preuve que lui-même ne crée pas un problème alors qu'il se présente comme une solution et intégrer en quelque sorte une sorte d'analyse, de bilan environnemental du capteur solaire, y compris sur les éléments du type de bois utilisé pour la caisse qui va transporter le capteur solaire. Donc là, on est effectivement dans une exigence très importante en termes de regard sur... mais en même temps, et c'est peut-être là, et j'arrêterai là-dessus, la difficulté, c'est que cette perte de confiance dans la science, cette perte de confiance dans les normes, cette exigence de réflexivité, elle n'est plus capable de créer de la certitude. Et au contraire, elle crée de l'incertitude généralisée, alors même que, et je pense que vous serez d'accord aussi avec moi, que nous sommes dans une société dans laquelle les dispositifs de protection des risques et des normes, etc., sont bien plus présents, nous protègent plus d'une certaine façon qu'il y a quelques années. Mais en même temps, ce sentiment de perte et d'incertitude est beaucoup plus présent. Et j'arrêterai là-dessus. Alors, sur les lanceurs d'alerte, juste un mot, il me semble que c'est tout à fait intéressant de ramener ça dans le débat après ce qui a été dit sur les associations. Il me semble que c'est autre chose d'une certaine façon. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte, c'est l'idée que individuellement, et non pas en termes d'organiser, collectif, je saisis le débat public, mais individuellement, je suis chargé d'une responsabilité face à ma société, et je vais donc l'assumer, y compris individuellement, et c'est souvent présenté comme assez caractéristique de sociétés anglo-saxonnes, d'ailleurs, qui ont mis en place un statut des lanceurs d'alerte, et qui les protègent, etc., et qui basent d'ailleurs une partie de leur évolution sur la question des risques, sur cette question du lanceur d'alerte. Et c'est peut-être un peu extérieur, c'est-à-dire les associations sur lesquelles repose la dénonciation portée sur les publics, etc., ne sont peut-être pas des lanceurs d'alerte, enfin, ont une autre façon de poser l'alerte, d'une certaine façon, mais peut-être qu'on pourra le poser. J'arrêterai là. Je peux faire un peu de publicité. C'est pas vrai, ben j'allais en parler justement. Université pour tous, par rapport à la question des alertes, il va y avoir un sociologue qui s'appelle Francis Château-Renaud, qui a travaillé justement sur la question, et donc qui interviendra le 24 mars 2009. Voilà. À l'espace Jacques Villeray. Donc oui, en fait, j'allais en parler comme quoi la géographie était un peu partout finalement, qu'elle débordait très largement du cycle, parce qu'effectivement, en fait, il y aura tout un cycle, pour compléter un petit peu, consacré au risque, les sciences face au risque, avec effectivement cette conférence sur les lanceurs d'alerte, pendant laquelle vous pourrez sûrement poursuivre le débat, parce qu'il ne nous reste pas malheureusement assez de temps pour le faire ce soir. Et puis il y aura aussi une sorte d'atelier. Alors les ateliers, c'est similaire au Café Géo, sur l'application du principe de précaution, notamment en biologie, une conférence sur la gestion de l'eau et un autre café sur l'eau au quotidien. Donc on va être dans des problématiques proches. Deuxième pub, mais alors là, j'ai pas la date en tête, mais vous pourrez consulter le site internet de l'association Confluence pour avoir toutes les informations nécessaires. On va organiser, dans le cadre de la semaine de l'environnement qui est organisée au niveau national par un réseau d'associations étudiantes et localement par l'association APNE, Association pour la protection de la nature et de l'environnement, qui est, en fait, ce sont qui adhèrent à la Cépante. Qui adhèrent à la Cépante et qui sont en tout cas des collègues géologues de Grandmont qui sont étudiants. On organise avec eux donc cette semaine de l'environnement et au sein de cette semaine-là, un café géo sur le bilan du Grenelle de l'environnement. Donc a priori avec Corinne Larue comme principale intervenante. Voilà. Donc je pense que le débat va se poursuivre à ce niveau-là. Sur Internet, donc j'ai cité le site de Confluence, donc confluence-geo.fr, sur lequel vous retrouverez filmé et aussi par écrit donc le compte-rendu de cette conférence, enfin de ce café. On va essayer peut-être d'ajouter quelques éléments bibliographiques, des livres à lire pour compléter, aller un petit peu plus loin. Et puis il y a le site de l'Université pour tous qui, de manière très symétrique, fait la même chose, donc upt-touraine.org. Vous avez toutes les adresses ici. Donc j'en profite encore une fois pour remercier les intervenants de s'être déplacés. Je pense qu'on peut vraiment les applaudir.